Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, oui. C'est chantant. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un numéro un petit peu particulier car mon co-host... Il l'a sorti. Putain, c'est la nouvelle, je suis tout ému. Elle est très belle. Je suis assez chialé. Un peu particulier car mon co-host dans cette émission, c'est Adrien Méniel. Bonsoir. Oh là là. Je suis obligé de préciser que voilà, l'hiver étant ce qu'il est, j'ai la voix enrouée. Je fume des clopes, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je te raconte la vie ? Non, voilà, donc je vais avoir cette voix ridicule. Elle n'est pas ridicule, elle te donne un certain charisme, je trouve. J'ai envie que tu sois mon beau-père. Ou ton beau-ringer. Mon beau. Mais nous sommes également avec, alors là, je crois, le plus gros invité de Floodcast maintenant. C'est l'homme qui a été le plus invité. C'est Pierre Lapin ! C'est Pierre Lapin ! Un minéral, un animal. Voilà, le but était qu'Adrien m'accompagne, mais il s'est cassé la voix, donc c'est du coup c'était pas possible. Mais j'aurais pu t'accompagner à la flûte, on peut le refaire. On peut le refaire à tout moment. Attends. C'est Pierre Lapin. C'est Pierre Lapin. Un animal minéral. Pierre Lapin, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Multicasquette. Quand à son acte, putain, ça va être relou maintenant. Oui, mais t'inquiète, après j'arrête. Je fais plein de choses, vidéaste, photographe, rédac chef, streamer, rédac chef. Putain, c'est ça. Bah ouais, maintenant t'es rédac chef pour moi. Putain, je me sens légitime un petit peu, c'est cool. Ouais. Et même Lord. Et même sur les réseaux sociaux, oui, tout type. Twitter, TikTok, voilà, multi-réseaux comme Multicasquette. Ouais. tu crées. Alors je suis créateur sur TikTok, on the rise, mais vraiment Lolo on the rise. Là je suis bientôt à 1500 abonnés. Alors Lolo on the rise, Calmos par contre. Pardon? Lolo on the ride, Calmos. C'est le nom de mon groupe en plus. Quoi? Oh la vache. Première Lolo partie de rise. Miel de montagne. Tu ferais bien d'en manger du miel du montagne, hein, mais cette petite voix que tu as. Oh, ils ronronnent. Une émission de fin d'année. Ouais, un peu spécial parce qu'une émission de fin d'année et on aime bien. À la fin d'année, faire des bilans calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. 50 ans déjà. 2019, alors on va pas faire la décennie entière parce que bon, ce serait trop. Ça m'impressionne. Les gens, la mémoire des gens. C'est les gens qui te sortent des trucs of the decade. Mais ouais. Bah déjà, je pense que les 5 premières années de 2010, déjà j'étais bourré. Donc je peux vraiment pas me souvenir. Et après, mais c'est impressionnant quoi. Bah après moi je l'ai fait sur le top cinéma. Et en fait juste tu regardes en vrai les tops de chaque année. Et en vrai les films te remontent, hein, c'est t'es un mouton ouais, en fait. Ouais, moi je suis un pur mouton, hein, attention, hein. Monsieur le lapin. C'était mes cheveux Adrien que tu montrais. C'était pas très visuel donc j'ai pas fait. On a préparé. Et je vais le dire tout de suite. Parce qu'Adrien, voilà, maintenant que je lui ai dit tu es co-host, il prend les rênes de l'émission. C'est beau. Et ça fait très plaisir. Puisque Adrien, tu as décidé de plusieurs catégories pour cette émission. Bah, à la base, l'idée, c'était que chacun ajoute ses catégories, mais au final, il y a eu les siennes. Surtout les miennes. Oui, on n'a pas eu trop d'idées. Mais en même temps, il y avait déjà les meilleures catégories selon moi. Arrêtez. Et en fait, on va vous parler des trucs qui nous ont marqué cette année dans différentes catégories. On ne va pas les énoncer maintenant. Je l'ai. Donc, on va faire un top 10, ça vous va ? Ça me fait chier. Quoi, top 10 ? J'ai un top 10, ça te paraît énorme? Ah oui, non, mais tu dis. Non, mais sans critique, on réagit et nous on dit nos préférés. Ah, d'accord. Ah ouais, donc on va pas vraiment, on a préparé des films et on va jamais les dire. Si, bien sûr. Ah, c'est un scandale. Allez, tu vas baisser d'un ton. Tu vas baisser d'un ton tout de suite. Le lapin. Le numéro 10 du top de sens critique, c'est Toy Story 4. Bien sûr. Fourchette. Bah, qui est incarné en France par. Alors, Fourchette égale BAE, mais incarné par mon frérot Pierre. En VF. Alors, Pierre, je le recontextualise. Toi, tu dis Pierre, mais oui. Il s'agit de Pierre Ninet. C'est Pierre Ninet. Mon frérot de basket. Tu l'as vu, Pierre? Oui. Bah, il est dans mon top, en vrai. Ah, tu as beaucoup aimé. Ah, vraiment? Enfin, déjà, le 3. Enfin, t'as chialé? J'ai chialé. Bah, comme moi, pareil. Ouais. Bah, oui, bah. Pour nous raconter un peu le moment qui t'a fait un peu briller, sans trop spoiler, bien évidemment. Bien sûr. Mais en vrai, pour outrepasser le 3 sans aller dans la maxi chialade éculée ou quoi que ce soit, je le trouve très fin et un très beau discours sur non pas forcément une, la fin, mais ouvrir sur quelque chose d'un peu plus positif et tout ça, qui m'a vraiment touché. Alors là où le Toy Story 3 m'avait ravagé, en fait. Tout à fait. Et ça parle de la parentalité de façon assez intelligente via le personnage de Woody. Mmh. Même s'ils ont ce truc, je trouve, qui était déjà le cas du 3 et même un peu du 2, où ils ont laissé tomber certains persos, mais parce que je pense que ça les intéresse plus trop. Et du coup, ils se concentrent sur Woody. T'as pas l'air d'accord, Adrien? Si, bien sûr. Parce que toi, c'est quoi la scène qui t'a... Bah, moi, la scène qui m'a... qui m'a ému, c'est quand le en gros, lui, le père, il veut transmettre ses vieux jouets à son gosse. Bien sûr. Et il lui dit, mais c'est des vieux jouets, c'est plus les mêmes, ils jouent plus avec ça, les gosses, maintenant. Il dit, t'inquiète, mon Woody, c'est pas n'importe quel jouet, tu vois. C'est vrai. Et c'est un peu émouvant, parce que ça parle aussi de l'époque actuelle, de tout qui va très vite, machin. Mais ça dit aussi qu'il y a des... Il y a des valeurs humaines qui traversent les siècles, en fait. Il y a pas que il y a le nouveau personnage du smartphone aussi. Ouais. Bien et sûr. Que tu as adoré. Et c'est vrai que là où c'était audacieux, c'était le crossover avec Emoji, le film. Tout à fait. Où il y a des emojis qui interagissent avec les jouets. Tout à fait. Mais c'est TikTok, TikTok, TikTok, Toy Story. TikTok Story. Voilà, bien sûr, exactement. Le numéro 9. Et toi, tu t'en bats les couilles. Je l'ai dit, j'ai dit, moi je trouve ça sympa. Oh, je vais un peu vite. On va pas passer une heure sur chaque film. Voilà. Numéro 9, alors. J'ai dit l'essentiel, donc. Le numéro 9, je l'ai pas vu, mais j'avais très envie de le voir, c'est Les Misérables. Personne l'a vu autour de la table. Si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Ah. Bah. T'as pas adoré. Non. D'accord. Enfin, je trouve un peu surcoté, comme disent les jeunes. D'accord, ok. Non, enfin, c'est très très bon. Enfin, je pense que c'est important dans cette époque et tout. Mais je trouve qu'il y a des trucs qui nous distancient un peu trop de la réalité de ce que peut être la banlieue. Après, moi, j'ai une expérience. Qu'est-ce que t'en sais? Ça. T'habites en banlieue? Non, t'habites juste à côté de chez moi. Mais c'est pour ça de te dire que c'est la vérité, je trouve, qui est vraiment plus brute. Et là, il y a truc. Après, c'est du cinéma aussi. Et tout. C'est je pense cinéma. C'est important et tout pour que ce soit un peu plus ludique et des trucs comme ça. Les pour films les gens, de Spike Lee étaient romancés et c'est des films extraordinaires. Je pense, mais pas moi, juste pour rappeler, en fait. L'enjeu, je vais mettre un pavé dans la mare, excusez-moi. Ah, alors attends, je mets mes bottes. Ok, c'est bon, les bottes de pluie, c'est fait. Non, mais l'enjeu du film, sans spoiler, des flics font une bavure. Il y a une vidéo qui peut fuiter d'eux en train de martyriser quelqu'un. Et là, tout. Déjà, c'est... Enfin, ça n'arrive jamais, quoi. Dans la vie, dans... Mais c'est là où je trouve ça problématique. Enfin, pas problématique, mais je trouve, en fait, la violence, elle est. Encore pire. Tu veux dire qu'en vrai, dans la réalité, si cette vidéo a fuité, j'aurais fait oui, bon. Bah, on s'en bat les couilles. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, t'es genre, ah merde. Et ça, j'aurais aimé raconter cette histoire de vraiment vivre une injustice qui pourrait. Parce qu'il y a un gros climax à la fin, peut-être Adrien pourra un peu nous raconter. Ouais. Mais du coup, ça aurait pu améliorer un peu ce climax-là. Et voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est important. Et puis, Macron l'a vu. Ouais. Et du coup, ça a un peu changé sa vision des choses. Et tant mieux. Ça, c'est drôle. Bah, moi, ça y est, il a mon vote, hein, d'ailleurs. D'accord. Enfin, ah ouais. J'hésitais. Bah là, ah oui, okay, il a l'air quand même très proche des banlieues. Donc. Non, mais c'est bien. Mais j'aurais un peu plus de radicalité et à trop ne pas vouloir prendre de parti. Je trouve quelque part, tu prends un certain parti. Enfin, et peut-être ça manque aussi d'un crossover avec Emoji le film. Emoji le film également. Tout ouais. Tout aussi, toujours, ouais. Peut-être ouais. Tout simplement. Après, je sais pas ce que Adrien a passé, mais. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que voilà, bon, c'est après comme dit Flo, c'est du cinéma. T'es oui, obligé d'avoir. Sûr. En fait, je me dis que peut-être si il avait été plus proche de la réalité, les gens auraient. C'est là tout le paradoxe, hein, de notre époque, c'est que les gens auraient dit il exagère, tu vois. Mmh. Alors que là, peut-être que c'est une porte d'entrée pour les gens qui n'ont pas conscience de la réalité des choses. Donc c'est là où j'ai trouvé ça. Moi justement assez fin de faire bien comme sûr. Ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Parce que tu vois souvent dans la vie on dit oh mais ça tu le mets dans un film personne n'y croit. Bah je pense que là on est là dessus justement malheureusement. C'est vrai. Wow. Et je vais pas en dire trop mais la scène des lacets de basket. Oui. Quand oui. Tu vas. Je vais pas le dire mais. Ouais. Non mais. C'est vrai que... ça m'a pris au trip. Bah, je comprends. Ouais. Après, juste de ramener Annie Girardot en CGI, c'était un peu audacieux. C'était audacieux, mais ça marche pour ouais. Moi. En maire de Paris. Le numéro 8, c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec Noémie Merlant et Adèle Haenel. Un film que j'ai beaucoup aimé. Je suis le seul à avoir vu autour de la table. Enfin, avec Adrien, je veux dire. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Ouais. Et ben moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film, c'est un drame. C'est aussi une histoire d'amour. Il y a aussi parfois quelques codes de la comédie romantique. Il y a Alicia Keys du coup ou pas? Pas du tout. Okay. Rapport à This Girl is on Fire. Bien sûr. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment un très chouette film. Après, moi, c'est les films où je suis trop content de les voir au cinéma parce que je sais que moi devant la télé, je suis moins, j'ai trop la tentation du smartphone, des trucs comme ça. Exactement. Et là au cinéma, c'est trop bien parce que t'es vraiment dans une ambiance. C'est un film volontairement lent, mais c'est ce qui fait aussi qu'il est bien, je trouve. Et c'est très beau surtout. Enfin, on critique, enfin les gens parfois critiquent le cinéma français en disant que ce sont des téléfilms. Et là, on est sur du vrai beau cinéma. La photo, elle est sublime. Et Céline Sciamma est extrêmement douée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Et évidemment, Adèle Haenel et Noémie Merlant sont extraordinaires. Que des queens. Extraordinaires. À mes yeux, ce sont des queens, effectivement. Ouais, ouais. Après, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être eu. Pas. Je pensais à une scène reculée, mais je suis sûr que c'est celle qu'Adrien a spotée. Donc je veux pas. Tu veux dire en positif ou en négatif? En positif, mais oui. Bon, c'est. Non, mais oui, disons que. En fait, ils ont à un moment donné. En fait, c'est une histoire qui tenait très bien sur ses pieds d'elle-même. Bien sûr. Et puis, il y a un moment où ils ont. Je pense que pendant l'écriture, il a dû y avoir Me Too, il a dû y avoir tous ces trucs-là. Ils ont trop voulu faire référence à ça et tu sens que c'est forcé, en fait. Ouais. Et que malheureusement, c'est une histoire qui fonctionnait très bien, justement, hors du temps. Et cette petite incartade dans l'actualité fait que du coup. Moi ça m'a un peu sorti du film. Mmh. Bah il y a le voilà. Ouais, c'est tu parles... moment où elle est sur Twitter et oui, je vois très bien, oui. Tu vois. Ah non, bah, tu l'as pas vu mais oui. Non mais c'est la scène où il y a Edoui Plenel qui arrive. Voilà. Et il dit je suis éclaté au sol. Bien sûr. Et vu qu'on est dans un film qui se passe dans le 18e siècle, voilà. C'est vrai que ça surprend. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais c'est anachronique du coup. Mais c'est pour renforcer quelque chose. Mais bon alors là où ils ont bien géré, c'est que c'est après le générique de fin. Ouais. Une petite scène où ils mettent. Il y a le bêtisier. Deux siècles plus tard, trois siècles plus tard. Et là, il y a Edoui Plenel. Il dit je suis éclaté au sol de voir tout ça. Mais du coup, ça met un peu en perspective, tu vois. Et puis ça répond à l'actualité de voilà. Cette année. Ouais, c'est... Mais c'est là où je dis que c'est forcé. À la dernière minute un peu. C'est là où tu te dis ils l'ont fait au dernier moment, quoi. Je suis éclaté. Ok. Le numéro 7, c'est le chant du loup. De Abel Lanzac avec François Civil, Omar Sy et Mathieu Kassovitz. Pas vu. Ah putain, très gros. On film. Me l'a conseillé sur les réseaux, effectivement. C'est super. Ouais. C'est super. Il est en ce moment sur Canal, My Canal. Et, ah c'est vrai. Ouais, film de. Enfin, je vais le revoir du coup. Bah ouais, film de sous-marin. Des acteurs de ouf. Bah pareil en fait. Sur les grandes oreilles, c'est ça. Non, les. Comment sur les gens ont des grandes oreilles. Les loups ont des grandes oreilles parfois. Mais non. Pas de loups dans le c'est film. Quoi, hein. C'est quoi les oreilles? L'oreille d'or, pardon. L'oreille d'or, c'est ça. C'est ma très grande déception. Oui. C'est-à-dire qu'aucun loup ne chante. Bah, déjà aucun loup. Déjà. Déjà aucun loup. Et même, moi je m'attendais à un humain qui chante un peu comme un loup. Bah moi je t'avoue que j'allais le voir en pensant que quelqu'un allait chanter Cœur de loup de Philippe Lafontaine. Ça n'est même pas au générique, quoi. D'accord. Donc bon, après on m'a dit que c'était sans doute mon interprétation qui était un peu fantasque. Ouais. Oui, ça attention quand même. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier le film. Bah déjà t'adores les sous-marins. Bah j'adore les sous-marins. C'est vrai. J'adore tout ce qui se passe sous l'eau. Ouais, en général. Ou sous tout ce qui est immergé dans n'importe quel liquide, je trouve. Ah c'est films... à dire que ouais, par exemple si je mets je sais pas bah, une petite dosette de thé dans de l'eau chaude, t'adores quoi. Un film qui parlera de ça pourrait m'intéresser beaucoup. Okay, très bien, d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas assez de films qui parlent de l'immersion dans un liquide quelconque, en fait. Après, il y avait le Grand Bleu, quand même. Il y avait le Grand Bleu, mais ouais, c'est souvent de l'eau. C'est ça où ouais. Si un cinéaste pouvait faire preuve d'audace, ce serait de faire quelque chose qui se passe dans un autre liquide que l'eau. Ouais. Parce que finalement, parce qu'il y en a mille. Je vous mets au défi de. Bah, il y a la lave. Ouais. La lave, très peu. Il y a le Pic de Dante, mais c'est pas dingue. Les gens sont un peu ensevelis sous la lave, mais c'est... C'est survolé. Voilà, ah, c'est. Pareil, le sang, il y a quelques films d'horreur qui caressent l'idée, mais c'est pas. Il y a Shining, y a les, voilà, mais. Il y a Carrie. Oui, Carrie, un petit. Mais la fin, parce qu'au fait, tout le reste, ça se passe dans une école. Voilà, mais ça n'est pas centré sur l'immersion dans le liquide. C'est ça qui est. Pour l'anecdote, on peut s'immoler par l'eau. Oui, bien sûr, ouais, parce qu'en fait, on croit que s'immoler, ça veut dire se tuer par le feu. Et pas du tout. S'immoler, ça veut dire se tuer en sacrifice. Voilà. Voilà, ça, c'est. Voilà. Comme ça, chose. C'est bien. Ça n'a rien à voir avec le chant du loup. Non. Oui, voilà. Même si. Alors, c'est un film qui n'hésite pas à tuer ses personnages, c'est ce que j'ai apprécié. C'est ça, non, mais ça alors, m'a rappelé Oz, la série, moi. Alors, je suis juste, parce que tu sais, on est relié en hotline avec. On me dit quand même que parfois il y a eu des films où, qui se passaient à l'intérieur d'un liquide, à savoir le sperme. On me parle du sperme, on parle quelques films pornographiques où des personnes sont ensevelies de sperme. Et je pense qu'il fallait le noter. Voilà, ouais, je me suis permis, excuse-moi. Donc, effectivement, le chant du loup. Voilà. Qui m'a. Oui, très bien. Mais comme je dis, qui m'a rappelé Oz. Parce dans que... le côté huis clos où on n'hésite pas à tuer des personnages. Tout à fait. Et puis la tension permanente, quoi. Mmh. Souvent inhérente au huis clos. Bon, là, vaut mieux que, le, que lui soit clos, parce que sinon, l'eau rentre. Hein, ah, dans le... on est immergé. Ça, ouais, attention. Ouais. Voilà. En tout cas, très bon film, Jean Dulou. Je vous conseille vraiment de le regarder. C'est ça qui est incroyable. Mais tout le monde, en fait. Ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé le cas super. Il y a Kassovitz, ça fait trop plaisir de le revoir aussi. La BO, bah, la BO qui est uniquement composée de reprises de Renaud. D'accord. C'est ça qui est fou. C'est fou, mais pardon. Pardon. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est celle-là, elle est dans le film. D'accord. Il parle du loup à la base, dans les animaux. Ouais. Mais il y a aussi la chanson de Fianso qui a été faite pour l'occasion. Il est calibré, mon petit loup, mon petit loup. Bien sûr, évidemment. Il aime bien chanter, mon petit loup, mon petit loup. Mon petit loup. Qui est un sous-marin, du coup. La favorite de Yorgos Lanthimos, sixième. Non, c'est pas ma favorite. Hein, si non, pourrais... non, oui, oui, oui, oui, bien vu, bien mais, vu. Mais très bon film, tout de même. Oui, oui. Pierre c'est vraiment pas mon préféré. De De toute façon, mais... vous avez vu, Pierre, c'est le bad cop. Un peu. Voilà, ouais. Moi, je suis le good cop. Le sucré, le salé. C'est hop, ça, hop, et Adrien est l'omnipotent, j'ai envie de dire. L'homme qui est un petit peu. Bah, il va trancher. Mais voilà, c'est le juge, au final. Non, mais le juge Lambert. Oh, qu'on apprécie fortement. Vraiment, un gros big up. Tu dois bien se marrer là-haut avec Coluche et les proches. Et le petit Grégory du coup. Et oui, voilà. Bah, à propos de personnes immergées. Oui, bien sûr, on était dedans. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est de l'eau encore. Oui, bah oui, oui, ça reste de l'eau, pardon. Mais de l'eau douce, donc. C'est plus rare. Donc, pardon, Pierre. La favorite. Non, mais je trouve que le traitement des femmes, je trouve pas ouf. Après, moi, je suis très woke, bien évidemment. C'est ça. Ouais, c'est le truc aussi. Si on ne te connaît pas, on est un peu surpris. Et je sais pas, je trouve qu'il y a mais pas c'est l'époque. Il n'y a pas trop de distance. Voilà. Bah, après, moi, j'ai envie de laisser Adrien parce qu'il a toujours le. Moi, j'ai beaucoup. Pour moi, c'est comme un tweet de Sardoche, il faut le remettre dans son contexte. Ouais, tu as raison. Le contexte, c'est. Sinon, c'est odieux. C'est. On revisite un peu de façon punk avec une courte focale ce que pouvait être. Après, le jeu d'acteur de malade, hein, quand même, hein, je trouve. Bah, Rachel Weisz. Oui, incroyable. Oui, même tout, moi, je trouve que tout le monde est vraiment bon dans le. Emma Stone. Non, mais la reine, putain, comment elle s'appelle? Olivia Colman. Olivia Colman, bien sûr, mais non, non. Sang, putain. La sœur de Gary Colman qui jouait. Arnold et Willy. D'accord, bah oui, c'est vrai. Attends, on l'oublie, c'est oui, fou. Mais moi j'aime bien avoir aussi des petits trivia comme ça sur le cinéma. Et aussi, alors ça on le sait moins, c'est la sœur de Jean-Jacques Goldman. D'accord. Le chanteur qui en fait ne s'appelle pas Goldman, mais Coleman, à la base non. Coleman. D'accord. Et qui a changé en Goldman pour le côté or, le côté clinquant, tu vois. Oui, clinquant, ouais, bah, forcément. Tu veux du clink-clink clinquant, disait M.C. Solar. Bien sûr, il faisait référence à Goldman. Non, mais oui. Donc c'est comme un tweet de Sardoche, tu disais. Faut le remettre dans son contexte, voilà. Parce que sinon, oui, on peut dire le traitement des femmes et tout, mais voilà, c'est une époque aussi qui s'exprime, c'est un point de vue qui n'est pas d'ailleurs nécessairement celui du réalisateur. Quoi. Pas forcément le traitement des femmes, mais je veux dire, les gars, ils paraissent un peu raisonnables, tu vois, ça me saoule un peu. Je trouve qu'ils pouvaient faire mieux et je trouve que. Non, oui. C'est la première fois que Lanthimos aussi fait un peu plus. Focus vraiment sur les femmes, là. Oui, écoutez, je l'ai lu. Voilà. Ok, je vais vous dire mieux. On a Sardoche d'ailleurs en direct. Voilà. Bah, après, il cherche à combattre l'hypocrisie. Après. Le film numéro 5, c'est Green Book sur les bien routes sûr. Du Sud. Alors, qu'a fait Peter Farrelly. Un petit conte de Noël, j'ai envie de dire. Écoute, un joli film. Ouais, ouais. Un joli film. Bah, qui se roule pas trop, mais c'est mignon. On aime bien, on aime un bien. Un bon film de blanc, quoi. Ah, ouais, mais oh, t'as pas aimé Adrien celui-là. Ah! En fait, moi je suis pris entre deux feux, c'est-à-dire que j'entends, j'entends le côté fable, tout ça, mais j'entends aussi le côté. Le loup, le renard et la belette, tu entends oui, également. Je les entends, ça. Les bah, surtout quand le loup chante. Ouais. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas de renard et belette dans le chant du loup. Non, aucune. Ouais. Non. Mais c'est, bon, on espère du coup. Bah, le 2, hein, je crois que c'est dans le 2. Ouais. Après, c'est le chant du renard, et après, c'est le chant de la belette. Ouais, let's go. Non, mais j'entends aussi les gens qui trouvaient ça un peu. On excuse, bah, comme Spike Lee, hein, qui a piqué une colère, on excuse le racisme, ces chants aux noirs de guérir les racistes et tout ça. Bon. Voilà, bah, c'est un film dont l'interprétation est aussi compliquée que l'époque. Voilà, donc, Tout à fait. Peut-être une scène quand même. C'est une scène qui est quand même assez jolie. Bah, quand il est dans la voiture, là. Bah, oui, bah, ouais. Voilà. Évidemment que bah, la traversée. Et puis évidemment. Il ouvre sa fenêtre, il jette un papier par la fenêtre. Ouais. Et il lui dit c'est dégueulasse, machin, nanana. Puis après toute cette discussion, je veux pas spoiler, mais tout ce parallèle sur comment les blancs salissent tout, finalement. Bien sûr. Ce qui est, et que bien c'est sûr. Au noir de ramasser et de réparer. Et du coup, et en musique en plus, c'est voilà, un peu. Voilà. Et il fait marche arrière et ramasse son papier, puis ouais. C'est le petit symbole, quoi. Bah ouais. Oui. Et en musique, d'ailleurs, c'est Benny B, je crois. C'est B-E-2-N-Y-B. Puisqu'il lui dit, comme d'ailleurs Viggo Mortensen le dit, comme toi, je veux la justice, j'essaye de défendre mes droits. Voilà. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de c'est moi. C'est qu'on parle de moi, c'est ce qu'il lui dit. C'est parce qu'ils arrivent justement au moment où il y a Martin Luther King qui est en train de faire son discours. Et il dit, ah non, je me suis trompé, c'est Martin Luther King et on parle pas de moi du tout. Pas du tout, ouais, j'ai confondu. Ouais. Le numéro 4, c'est Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Qui est mon petit film préféré en de l'année. Vrai, oh bah voilà. Il est trop bien, il est terrible. Bien sûr, on c'est sent un sucre, c'est un bonbon. Mais exactement, mais qui est long, qui reste en bouche. Oui. C'est un délice, c'est sucré, et Quentin se fait plaisir. Oh, ça fait un bien fou. Moi j'ai ouais. adoré ce film, c'est beau, c'est touchant, c'est drôle. J'ai eu... Moi je vais vous dire quelque chose, et là je prends mon micro à la main. C'est-à-dire que je l'ai même plus posé sur la table, je le tiens à bout de bras. Quand je vais au cinéma, j'adore ressentir toutes les émotions. Et... Once Upon a Time in Hollywood m'a fait ressentir toutes les émotions parce que j'ai été touché, j'ai été questionné sur pareil l'époque, sur les choses qui se passent machin. J'ai été ému, j'ai été tendu, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu toutes les émotions. Et t'as bandé. Et j'ai des bandes à DiCaprio est quand même très oui, beau. C'est vraiment... Et donc du coup ouais, je vais vraiment passer par toutes les émotions et c'est rare qu'un film me procure ça. Alors après je suis sûrement un fanboy de Tarantino. Moi sache que bien. J'en suis pas. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. Rejoint là-dessus et c'est fou. Ouais. Que toi, oui, c'est vrai que t'es même ces gimmicks te saoulent, par exemple. Oui, oui, ouais. Non, mais là, je trouve qu'il prétend pas faire. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il rend plus hommage que vouloir recracher ce qu'il a ingéré dans tout ça. Juste, il veut rendre hommage et un peu plus d'humilité. Et je trouve un peu plus peut-être de distance et d'humour. Enfin, je sais pas. Et moi, je trouve ça plus humble et j'ai adoré. Et puis après, c'est vrai qu'il faut connaître un peu l'histoire parce que ça rejoint l'histoire. On va dire, c'est une uchronie. Mais moi, je ne la connaissais pas. Et pourtant, j'ai adoré. Étonnant. C'est-à-dire parce que c'est effectivement ça fait référence à ce qui s'est passé en 69 aux États-Unis, à savoir la secte de Manson. Le meurtre de Sharon Tate. Mais effectivement, moi, je connaissais pas l'histoire. Je voyais qui était Charles Manson, mais je connaissais pas sa secte, par exemple. Ouais. C'est fascinant, je pense, de voir le film quand on connaît. Ou même de le revoir après, parce que moi, du coup, en sortant du film, je me suis maté des docus, des trucs comme ça, et effectivement, du coup, je me dis, ah putain, mais donc cette scène, c'est vraiment, entre guillemets, ce qui s'est passé, mais comme ci, comme ça, et donc, du coup, j'ai trouvé ça formidable. Oui, en fait, c'est tout à fait, disons que s'il y avait, si Tarantino s'est planté une graine dans l'esprit au début de sa carrière, elle a germé et elle a donné... ce film quoi, c'est-à-dire que déjà il faut dire qu'il était prêt à l'époque, c'est pour ça qu'il plantait des graines. Il était prêt, exactement. Non mais c'est vraiment sa façon de rendre hommage au cinéma en fait, quelqu'un qui voilà, et en fait c'est un amoureux du cinéma dont les gens sont amoureux maintenant. Bien sûr, oui. C'est presque méta. J'ai envie de dire que c'est méta. Presque méta c'est et méta. C'est vraiment la vision de quelqu'un qui ne vit, qui ne respire, qui ne mange que cinéma quoi. Ouais. Et c'est intéressant. Un grand nostalgique. Mais voilà. Il se réapproprie. Il se réapproprie, il réécrit. Il est acteur de sa nostalgie. Parce que nostalgie, on est genre, je suis un peu triste. Non, mais là, non. Go on. Tout, ouais. Il dit le passé. Le passé, c'est oublié. C'est ça. Non, mais c'est un matériau quoi. On peut en faire ce qu'on veut. On peut. Ça n'est pas lui manquer de respect que de le changer à travers une œuvre. C'est ça que je. Et alors, qu'as-tu pensé de cette scène où apparaît quand même ce choix étrange de casting, à savoir le chanteur de Kyo, Ben Power, qui. Bah. Mais prends une petite lichette avant, je t'en supplie, parce que c'est vrai que. Moi, j'ai trouvé ça pertinent, mais bon, il faut connaître les œuvres des deux. Oui, deux Tarantino et Kyo. Voilà, parce que s'il y a quelqu'un qui a parcouru le chemin, c'est bien Quentin Tarantino. Ah oui, il a couru la distance. Voilà, et voilà, ce sont des paroles de Kyo. Il enseigne encore d'ailleurs. Tout à fait. Un parcours semé d'embûches. Voilà. Donc il faut connaître les œuvres, mais quand on est cinéphile, c'est du petit lait. Ah. Cinéphile et puis il faut connaître Kyo. Ah oui, il faut connaître un peu le rock alternatif français. Là, voilà. Bon, voilà, c'est un petit bonbon encore pour les connaisseurs quoi. Les vrais savent. Les vrais savent, les vrais sont au courant. Le troisième est Midsommar. La chair de poule. Ah. Oh là là. Là, je me cachais les yeux, moi. Ouais. Bah, cette scène d'ouverture incroyable. Vraiment. Une des plus belles de cette année. Très belle scène d'ouverture. Glaçante. Glaçante, effrayante, stylisée au possible. Adrien. Ari Aster. Peut-être deux adjectifs. Glaçant. Oui. Dérangeant. Waouh. Une claque dans la gueule ou pas? Non, peut-être pas. Bah c'est non, justement pour moi c'est pas une claque, c'est parce que une claque dans la gueule, on s'en remet, c'est ponctuel, non, c'est 800 pichenettes pendant 2 heures. C'est ça qui est terrible. c'est que c'est pas une claque. Une claque, c'est rapide, on s'en remet. Là, c'est. C'est lancinant. C'est... Ça vient de chercher. Bah, c'est ça. Claque, quand... claque. Pas de répit, en fait. Tu sais, c'est ces médicaments que t'avales sans eau. Tu vois, ça se bloque ici et tu dis mais j'ai un truc qui me dérange, j'ai un truc qui me gêne. Ah, ça, en fait. C'est le caillou dans la chaussure du cinéma. Mais tout à fait. Le film qui s'appelle d'ailleurs. Un caillou dans ma chaussure. Non, non, mais le titre de film que je viens de citer, Adrien. Midsommar. Midsommar, voilà, c'est ça. Je me rappelle très bien. Oui, tu l'as vu deux fois. Bah je, oui, oui. Faut au moins, quand on passe la moitié du film avec les mains sur les yeux, on a plutôt envie de le revoir. Oui, tout pas tout de suite après, quand même. Hein. Ah bah oui. Le temps de s'en remettre. Oui, voilà. Attention, il y en a qui quittaient la salle. Oh là là, je m'en souviens. Bah oui. Bah oui, pas mal. Après, il y a toujours un peu des écueils de perso archétypés un peu cons. Mais après, c'est stylisé au possible. Ça nous raconte plein de choses, le deuil, le. On va dire comment se quitter l'isolement Macron les fêtes non Macron la, oui Macron bien évidemment métaphoriquement c'est parce Macron parce qu'à un moi. Moment dans la cérémonie ils ont des piñatas de Macron tout à fait qui décident de brûler non, ah mais... donc c'est pas métaphorique du tout non. d'accord non, mais, pardon plus métaphorique effectivement c'est que tu vois à un moment t'as un personnage qui a un gilet blanc non. Le gilet est blanc mais avec le soleil plus le film avance, plus il jaunit ce gilet. Et à la fin, clairement, c'est un gilet jaune. Bah voilà. Enfin, moi, j'ai vu ça. Après, effectivement. Et puis, il jaunit, il meurt. Johnny est RIP, quoi. Enfin, RIP Johnny, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. Ce Harry Astier, c'est ça Harry Astier. Tout à fait. Harry Astier. Non, c'est pas Alexandre Astier. Alexandre Astier. Ouais, c'est ça. C'est Alexandre Astier. Il est ouvert. D'ailleurs, les gens qui se retrouvent. Je veux pas spoiler le film. Non. Les gens qui se retrouvent un peu pris au piège. Voilà, ils disent. On en a gros, laissez-nous sortir. On est venu bourlinguer un petit peu, on est venu bourlinguer dans la secte. Voilà. Oui, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous réponds oui. Non, en fait, voilà. Bon, et voilà, et le chef de la secte qui dit foutez-moi le camp, le gras c'est la vie, quoi. Enfin, c'est un hommage. Ah, c'est une petite ref, c'est encore une fois un petit bonbon pour les cinéphiles. C'est vrai, c'est quand on aime le cinéma, c'est vrai qu'il y a la réplique, il fait mais non, mais pourquoi je ferais ça, pignouf. Bon, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand il lui dit ça, ou à moi, c'est genre, allez le chercher. Ouais, ouais. Ça m'a tué. Il y a un petit geste de main qui est pas audio mais qui est super. Ouais, voilà. qui est top. Mais voilà. Le numéro 2. Oh là là. Oh non, ça file, ça file. Joker. Bah bien sûr. Attendez. Le coup de cœur peut-être. Ah bah c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Je on voit pas mais j'ai encore les mains qui tremblent. Il tremble. C'est ça, c'est. Bah là il commence à se toucher le visage. Là. On sent que tu te reconnais dans le Joker. Bah surtout que. C'est très personnel parce que peu de gens en ont parlé sur les réseaux et tout. Donc, étant Fly Rider, ça t'a parlé quoi. Ah bah, c'est ça, littéralement. Bah, c'est la descente aux enfers quoi. qui nous guette tous quoi. Oui, c'est ça. Surtout mais, en ce moment. Moi j'ai. je vais vous dire, mais moi la scène c'est quand il est. À un moment il y a une fête d'entreprise là. Ouais. Au rez-de-chaussée, hein, parce qu'à New York, il y a beaucoup d'entreprises, de commerce au rez-de-chaussée. Bien sûr. Puis lui, il voit cette fête, lui, un peu en train d'errer dans les rues. Il est déjà quand même bien attaqué, bien entamé. Il a bien entamé sa descente aux enfers. Ouais, bien sûr. Sûr. Il est à mi-chemin un peu. Ouais, il est au moins 3, moins 4. Voilà, au milieu, quoi. Et il voit, puis il rentre dans cette fête où il connaît personne. Puis bon, très vite, les gens ressentent que c'est. Malaise. Voilà, qu'il a pas à être là. Alors ils lui disent. Mais va-t'en, t'es fou quoi, toi, va-t'en, t'as rien à faire là. Et puis là, il fait. Bon, c'est génial, voilà. Oui. Bah, Joaquin Phoenix aussi. C'est génial. Enfin, c'est incroyable. Ce rire. Où est-ce qu'ils vont chercher ce. Enfin. J'y suis là. Un fou qui rit comme ça, moi, j'ai jamais vu. Et puis les gens le chassent, ils me disent, t'es malade. Parce que d'habitude, les quand il y a un fou, ouais. Il est plutôt. Tu rigoles ou quoi? Alors que là... des trucs comme ça, là il hurle, oui, un vrai fou quoi. Ils disent tu rigoles ou quoi? C'est ça. Mais oui. Et ils n'ont rien compris à la folie. Les fous hurlent. Vous voyez des fous dans la rue. C'est très juste, c'est très très juste. Mais d'ailleurs c'est dans cette scène de comité d'entreprise, puisqu'en fait au début il s'appelle pas Joker, il s'appelle Arthur Fleck. Arthur Fleck. Ouais. Et il est là, il dit bon. C'est avant de se lancer dans le rap. Ah, ouais c'est ça exactement. Et alors... C'est Bruce Fleck. Non, Joker. Joker. Ah, pardon. Mais justement, tu crois pas si bien dire, parce que moi je me souviens de cette scène où il est dans le comité d'entreprise, donc effectivement il rigole, il fait mon vélo. Ah oui. Et donc il arrive et ça, il dit c'est, ouais. Encore un petit bonbon pour les cinéphiles. Ouais, ouais, mais rêve quoi. Et il y a cette espèce de barman d'entreprise qui dit oui, mixologue. Il dit vous voulez, ouais, bah, cette scène moi j'adore, il fait vous voulez un coca, vous voulez peut-être un peu d'alcool, et il fait non, je veux ce petit jus d'orange, c'est quoi son nom? Il dit c'est du Joker. Et c'est là c'est du Joker. Et là il fait pardon, comment? C'est quoi la marque? Redites-le une fois pour toutes. C'est un Joker. Ah bah c'est mon nom maintenant. Bah ça prend racine ouais. Quoi. Incroyable. Bah c'est l'origine story dans toute sa forme. Mais parce que moi j'ai lu le comics. Mm-hmm. Et dans le comics, dans la version d'Alan Moore, qui est pour moi, attention, c'est ma chef d'œuvre. C'est chef d'œuvre. Okay, pour moi c'est intouchable. Hein. Mm. C'était déjà ça. C'était déjà ça. Et en fait, quand t'es fan du comics, t'as la ref. Et bah oui, c'est ça parce que. Mais alors pourquoi rebooter toujours pour réadapter la même chose que le comics en fait? Ouais, mais là de le voir interprété. Non, parce que moi j'ai lu la version québécoise. Il s'appelle Paquito du coup. On peut refaire la scène. Il arrive et lui dit oh quel est ce jeu de fruits? Il lui dit c'est du Paquito. Et il dit bah c'est mon nom. Calice, je m'appelle Paquito. Bon. Et en Belgique c'est Capricen. C'est Capricen. C'est fou. Mais ça c'est la mondialisation. Mais après non, pour être sérieux. On est très sérieux. Ouais, non, oui, non. Je te permets pas. Je centré. Non mais très juste un regard vif sur la société qui nous attend en fait. Comment tu sombres dans la folie comment ça germe. Après j'ai chié sur ce film. Écoute, voilà. C'est dit au moins. Et le dernier film numéro 1, Parasite. Ah bah, Palme voilà. D'or à Cannes. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho pardon. Bonjourno. Bonjour. On peut lui dire. On peut lui dire. Bonjour, no, Bong Joon-ho. Ouais, Bong Joon-ho, comment ouais. Ça va? Bah c'est un king. Ouais. Vraiment. Ouais. Enfin tout ce qui est raté dans le Joker est réussi dans Parasite. Oh. Voilà, prépare. Non mais c'est vrai. Et bon. Paf. Oui voilà. Mais d'ailleurs, est-ce que le Joker n'est pas un parasite? Waouh. En tout cas perçu en tant que tel. Non mais je. Donc ce serait dans le. Moi j'essaie de raccrocher les. Voilà. Il y a des points. J'essaie de les relier. Voir quel dessin ça fait à la fin. Et le dessin de la vie. Dessin du Cinoche. Ouais, cinématique univers. Le dessin du Cinoche. Tu as aimé Pierre Lapin? Bah masterclass en vrai. Ouais t'as kiffé. Et pourtant je suis pas très fan de Bong Joon-ho. Ah ouais. Et tu n'es pas raciste. C'est vrai. Car je ne vois pas les couleurs déjà, tu faut le dire. Mais je suis woke bien évidemment. Non, transpersonnage. Bof. Je viens de comprendre pas raciste, ouais. Parasite. Bah, bien sûr. Okja. Chef-d'œuvre. De la merde. Mais après, okay. Toi, en tant que végétarien. Pas ouf. Ouais. Non mais. Spéciste en vrai. Il y a une hypocrisie en fait. Là, je suis comme Sardoche, je veux pourfendre l'hypocrisie. Je trouve que dans Okja, c'est hypocrite. Voilà, bref. Bah en fait, moi, je. Enfin, bon, on parle d'Okja. Bon, alors, du coup, je l'ai vu plusieurs fois. Okja. Non, mais bon, après, on était censé parler de Parasite. Oui, non, Parasite, t'es un chef-d'œuvre, mais vas-y, Adrien. Non, mais moi, Okja, c'était. Bon, s'il y a des gens que ça, chez qui ça a provoqué une prise de conscience, c'est tant mieux. Mais bon, c'est quand même pas nouveau que comme les entreprises misérables, en fait, utilisent quoi. Les ouais. Animaux pour. Ouais. Comme matière première pour nous les gens. Moi je trouve le film très beau. Moi c'est surtout ça. Moi les messages politiques c'est toujours un peu en second. Je trouve que le film est magnifique. Et, je suis pas d'accord. En fait. Et, ah ouais. Non. non. Ah, ouais. Tu l'as giflé. Ouais, voilà, on est à ce stade de différent. Bah ouais c'est ça. Non, pour reparler de Parasite. Mais oui mais Parasite bah qui est un peu une satire de la société entre les pauvres les riches. Encore une fois. Comment justement en tant que pauvre tu vas pouvoir te transcender. Battre le déterminisme de ta classe et trucs comme ça et d'aller voir tutoyer les riches comme nous peut-être on va devoir faire avec les Macron et compagnie à moins de devenir un Joker avant tu vois exactement et il est là Joaquin Phoenix Guerra toi mais non très réussi très réussi les acteurs incroyables mais c'est vrai que la comment dire tu disais on comparait un peu Parasite et Joker ouais. C'est vrai qu'il y a cette scène où la famille est dans un comité d'entreprise. Ouais, toujours, ouais. C'est ça, plus c'est surprenant parce que c'est vrai que c'est une famille, il y a des enfants, mais ils sont dans un comité d'entreprise. Ouais. Et ils vont voir cette espèce, une espèce de barman, c'est quoi? Mixologue. Bien évidemment. Et ils font bon bah bonjour, on a un peu soif. Bon, le mixologue leur dit écoutez, on a du coca, on a un peu d'alcool, on a plus de Joker parce qu'on a un monsieur qui a tout bu, qui vient tout boire devant nous. Il avait l'air complètement dingue. Il a ri comme un fou, apparemment. Il a comme un forcené. Et la famille dit bah je sais pas vous avez pas là on serait trop chaud pour une petite limonade okay. Et le mixologue dit ah non pas ici hein pas ici hein ils disent pardon parasite et c'est ça d'accord. Part de là et ça part de là ça et part de là, parce ouais. Qu'en fait ils croient être des parasites parce que on des leur dit pas ici ouais. Et ils entendent d'accord. Parasite et en même temps ils sont pestiférés comme des parasites parce qu'on leur dit non vous avez rien à faire là. Je comprends même pas comment ils ont pu le traduire en VO non mais en français moi enfin dans la VF ouais. C'est tout simplement, ils regardent une vidéo des parasites, ils disent bah tiens, pourquoi pas nous. C'est vrai que j'avais oublié. Et c'est ça va. Moi, pour une fois que la VF est mieux, oui. Ça va plus vite. Allez. D'ailleurs, la VF. Ça commence comme ça le film le en VF. Le film dure d'ailleurs 32 minutes. En fait, ouais. Il change complètement le film. Pour les, c'est ça qui est une première. ils ont retourné des scènes pour les différentes langues. Et là, ça commence. Ils regardent une vidéo des Parasites. Le making of de l'effondrement d'ailleurs. Voilà, parce qu'il l'avait eu en avant. Enfin, ouais, ouais, bah c'est des, ils ont des potes chez Canal. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ils disent, bah tiens, les Parasites, bah c'est, ça c'est nous. Nous. C'est nous. C'est trop nous. C'est trop nous, je trouve. Du coup, là, ils quittent justement le déterminisme social et ça devient les Parasites. Et, bah, et ils font des trucs avec Canal à la fin. Voilà, c'est ça. Mais enfin, très beau film. Je voulais pas cas. Spoiler, mais. Là, juste comme ça, et après on enchaîne un film que tu as aimé, que je n'ai pas cité dans, ta li- dans, dans ma liste. Mid, putain de 90s. De Jonah Hill. De Jonah Hill, incroyable. Voilà. Toute mon enfance. Donc, non, génial, ça m'a touché dans mon petit cœur de skater. Et magnifique. Et c'est vrai que c'est un beau film. Ça va straight to the point. Hop, hop, hop. Ça chipote pas. Ça veut pas faire des toin, toin, toin. Des toin, toin, des nanani, nanana. Hop, c'est une histoire. On y va. Et c'était cool. Vraiment. Ça dure 1h20. Oh, mais c'est popcorn. Et sinon, c'est tout ce que j'ai noté. Après, cette voix que j'ai eue, c'est horrible. Moi, j'ai beaucoup aimé Vice. Vice, bah, incroyable. Vice, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble avec Adrien en avant. Je pensais que c'était 2018, tu vois. Et non, c'était tout février 2019. Tout début. C'est vrai, ok. Tout juste que c'est le seul film vraiment que tu as vu. Enfin, que tu as vu deux fois. Deux fois, bah. Le seul film que j'ai vu qu'une fois. Ouais, voilà, okay, exactement. Ouais. Enfin, non, que j'ai vu plusieurs fois, pardon. Voilà, je me suis trompé dans ma. C'est pas de souci. Et moi, j'ai bien aimé Us aussi. Qui se fait critiquer Us, parce que l'enfoiré hein. Exactement, ouais. Oui. Où ils sont tous en esprit et t'as une autre famille qui est en moula, voilà. Et c'est la confrontation entre les deux familles, ils quoi. Se battent entre, ouais. Et au milieu t'as Tommy Bugsy qui fait oh non pas de viande hein. Oh là là, ouais. Pas ici, je veux pas du tout hein. Non mais ouais, bah c'était pas mal. Non, c'était pas terrible non plus. Et après, moi j'ai aimé le Mans 66, j'ai noté Rocketman, Marriage Story récemment, j'ai adoré. Enfin voilà, El Camino, j'ai bien aimé. El Camino, très bien aussi. J'ai vu El Camino, j'ai bien aimé. Tu l'as vu ? Ouais, ouais. Moi j'ai bien aimé, juste peut-être mettez des femmes dans vos films. C'est vrai. Parce que la seule femme qui arrive, c'est quand il y a des stripteaseuses. C'est vrai. Limite c'est vrai, la première ça. Femme qu'on voit, c'est ça. Et c'est vraiment des personnages secondaires. Mais bon. En termes de réal, des putains d'idées. Ouais. Et ça joue très bien, ambiance de ouf et tout, très beau. Voilà. Et le fanservice bien distillé. Ouais. Enfin, franchement, c'est pas gros sabot. On passe à la nouvelle catégorie. Bah la en fait. Nouvelle catégorie, les jeux vidéo. Ah ouais. Alors là, je vais vous laisser parler parce que moi, je suis très peu gamer et donc mais je arrête. N'ai rien. Ouais, alors peut-être. Mais t'avais poncé Far Cry, toi, non? C'est 2019, pas cette année. Ah, je sais pas. Avant. Hein. Mais je vais vous laisser parler. J'ai envie de commencer par Adrien. Adrien, un jeu vidéo auquel tu as joué, que tu as apprécié? Eh ben, figurez-vous que j'ai séché. Pour les, j'ai pas trouvé de. Ah merde. Ouais. Outerlands et tout. Non, tu veux pas en parler. Enfin, Outerlands, bah, je l'ai. En fait, je l'ai pas fini encore. J'y ai joué beaucoup pendant genre 2 semaines et là, j'y joue plus là. Donc je me dis, j'attends de. Est-ce que c'est parce que il m'a saoulé ou est-ce que je vais m'y remettre et je vais. Donc là, je suis un peu en stand-by. Donc je peux pas dire c'est mon jeu de 2019. Ouais. Après, moi, j'ai joué à NBA 2K20, mais. Plus ça va, plus ça de. Ils essaient de te pousser à dépenser de l'argent pour de vrai, ça me saoule. Après, il y aura bientôt ta chanson aussi, au même titre que Mister V dans la tracklist, bien évidemment. Ouais. Dans et la flûte à coulisses d'ailleurs. On écoute un extrait tout de suite. Ouais, ouais. La balle orange dans le panier. Ça fait 2 points, sauf quand c'est derrière la ligne à 3 points. Ouais, bah oui, c'est émouvant. Voilà. Bah, ça, ce sera a priori dans les menus. C'est un rêve de gosse. Rêve de gosse. Du coup. Et tu vas être modélisé d'ailleurs. Je vais être modélisé, effectivement. Ah, mais l'erreur de la modélisation, c'est qu'en revanche, tu es en blackface. Ah, tu en as parlé un petit peu aux gens de NBA. Ils ont dit que c'était une erreur de texture appliquée, mais je trouve ça un peu limite. Ouais, j'ai peur que ça te retombe dessus, surtout. J'ai un peu peur. Voilà. À vos tweets. Pierre, toi, un jeu vidéo que tu as poncé, qui t'a marqué? Bah, moi, j'en avais parlé ici, Superliminal. Bien sûr. Qui m'a mis une petite claquasse toute douce, tranquille, quoi. Ouais. Mais je suis pas encore assez proche, pardon. Et sinon, Sekiro Die Twice. C'est un jeu très dur, c'est ça? Et oui, donc qui est mon premier, ce qu'on appelle Soul-like, hein, faisant référence au jeu de type Dark Soul, des jeux réputés pour être très très durs. Et j'ai toujours eu peur, dans un excès d'humilité ou de peu d'estime de moi, au final, de me lancer dans ce genre de jeu parce que je me disais, je suis qu'une merde. Et au final, c'est trop bien. Et donc tu as vraiment ce truc qui paraît des hardcore gamers de quand tu réussis un truc très dur, bah, qui est vraiment ouais c'est ça, j'ai vraiment jouis, une satisfaction qui est folle. Bah, moi je l'ai fait en stream, ouais. Et les gens ont pu voir vraiment bah, des litres de sperme évacués en streaming. J'ai failli me faire ban la Twitch justement. J'ai dit quoi? Ban la Twitch. Ban la Twitch. Voilà. Ban la Twitch qui est ouais, une ban la chaîne. Jeff ban la Twitch qui est un ventriloque. Ah salut les gamers. Voilà. Elle est bien cette voix. Ah oui, bande de salopes. Alors RIP Studio Bagel. Petit ange parti trop tôt. Donc, non, oui. Trop bien, mais vraiment c'est génial et c'est jouissif. Et puis en fait, ce sentiment de progression, genre au début du jeu, je suis parti un peu vers une voie un peu compliquée qui était pas vraiment mon niveau. J'ai galéré, j'ai mis 3 heures. Je me dis non, je vais le faire, j'ai abandonné. Tu level up, tu reviens et tu la doses en 2 minutes. Et là, tu dis bah je suis un boss en fait. Et c'est comme ça que j'aimerais le faire avec la vie. En fait, c'est un BOSS. Je galère et je reviens. Donc genre potentiellement aller draguer Morgane Kazoko au collège, je reviens et ça marche 10 ans plus tard. Ça n'arrivera jamais. Mais reste sur les jeux vidéo. Ouais. Hein. Non mais bref, trop bien, Sekiro Die Twice. Et après sinon on a pas mal joué avec Adrien à Fortnite parce qu'il aime beaucoup ça avec Ninja. Bah, surtout la danse. Ouais. Moi c'est la danse qui a été la porte d'entrée dans Fortnite. Dans le jeu. Ouais. Moi je trouve ça fou qu'il laisse encore les parties où tu peux tirer, tuer des gens, faire des construits, boire des popos, parce que je connais un les petit popos, peu le langage. Oui, évidemment, ouais. Et ne pas laisser que la danse. Bah ouais, faire une espèce de Dance Revolution de Fortnite. Quoi. De Fortnite, et de toute façon, moi j'adore Fortnite. Donc, Gotaga, c'est moi, un moi j'ai acheté les jeux. Ouais, ouais. Bah, en fait, je ne bois que des Red Bull sur lesquels il apparaît. D'accord. Sinon, je n'en bois pas. Donc, c'est compliqué pour. Bah, maintenant, je bois de la Red Bull périmée là, depuis quelques c'est mois. C'est problématique quoi. Et je pisse du sang. Mais ceci mis de côté, bah, je soutiens les frérots et ça me fait très plaisir. Et t'as un code créateur ou... Bien sûr. Ok. Pierre Lapin. Bah, c'est adorable. Et non, mention spéciale à un jeu, Cocorico, qui s'appelle A Plague Tale, d'un petit studio bordelais, il me semble, avec une BO incroyable, et qui est un jeu qui nous met dans la peau d'une jeune fille qui essaie d'échapper à la peste, et c'est incroyable, n'hésitez pas à y jouer. Non, moi, je vais juste... Il y a un petit... Baba Is You, t'as kiffé Baba Is You ? Baba Is You, avec j'ai kiffé. Avec Cyril Hanouna. Comment ? Baba Is You avec Cyril Hanouna. En faisant... voilà. Non, je suis un petit jeu sur Twitch qui s'appelle Pikuniku. Pikuniku et un petit, c'est un vrai jeu, hein, c'est pas des conneries. Mais assez marrant, une sorte de jeu de plateforme avec des petites énigmes hyper simples et tout, qui était sympa. Une petite forme trop mignonne avec des longs bras ou des longues jambes. Des longues jambes, okay. Si je ne m'abuse. Et voilà. Je pense pas que tu t'abuses, hein. Je m'abuse plus. Non, j'ai pas du tout l'impression que tu t'abuses. Hein. Oui. Je crois que c'est français aussi, il me semble. Oui. C'est sur Arnaud de Bock, je crois, le créateur du jeu. Yvan de Bollock. Waouh. Qui revient après la guitare. Ouais. Qui bah, est maintenant développeur de jeux vidéo. À la base, c'était, ouais, il appelait sa guitare, revient, ouais. Et bah, elle est revenue. Donc, c'est ah oui, d'accord, donc voilà, il a arrêté. Propre. Musique. Bah. Et que tout le monde se mette à chanter d'ailleurs. Ouais. Quel est l'album, Pierre, qui t'a. Mais moi, donc on était sur la musique. Ouais, la façon de consommer la musique en fait. Et c'est que, encore, j'ai des albums que je kiffe mais qui sont 2018. Tu vois, je rattrape mon retard. Et en 2019, en fait, j'ai saigné 2 albums, à savoir PNL. Ouais. Comme un gros random. ODD d'ailleurs. ODD bien évidemment. Ouais. Et Pup, un groupe canadien. D'accord. De punk hardcore, comme pourrait dire Wikipédia, mais je sais pas, c'est un peu vaste. Et incroyable que j'ai vu en concert. Et une chanson qui te donne envie d'aller picoler avec des potos, d'aller pleurer une nouvelle fois sur qu'est-ce que la masculinité, un truc comme ça, un truc un peu woke, un peu deep sur la question animale, et trucs comme ça, ça m'emporte en fait. Moi j'avoue, j'ai mis Vald parce que c'est le seul nouvel album, et Kanye West, mais en vrai c'est tous les. Et en fait, non, l'album moi, que j'ai poncé cette année, parce que c'est fou, c'est une découverte pareil extrêmement tardive, mais j'ai adoré le film Rocketman, et du coup j'ai redécouvert Elton John, que en fait je ne connaissais pas, que moi j'avais que par le prisme du Roi Lion et de la mort de Lady Di. Oui. Et donc du coup j'ai découvert en fait une vraie rockstar avec des chansons vraiment formidables. Tiny Dancer, Saturday Rock Night Dancing, Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Putain de camion. Ouais. Et donc du coup j'ai redécouvert toute la discographie de cette personne et c'est vraiment très très bien et c'est avant-gardiste sur plein de choses et je suis allé le voir en concert, le concert était super. Enfin voilà. Donc mon conseil 2019 c'est Elton John. Et Vald. Et Vald. Comme quoi ça montre que ouais, tu fais un peu de tout quoi. Et Adrien, Non, moi j'ai Et Kanye West, moi j'ai vraiment bien aimé son album. Ah bon, on dit Kanye, c'est ça. Ah, je sais pas. Ah oui, Kanye West pardon. Ouais, c'est un scandale. Kanye West. Attention autre. Moi j'ai noté Mirador. Ah bah oui, c'est des frérots. Bah non, mais parce que je sais pas, c'était un peu c'était un peu un événement musical 2019 qui m'a marqué, je trouvais ça marrant l'ampleur que ça a pris et tout. C'est incroyable. Voilà, très c'est... bonne chanson. Ouais. Non, mais très, chanson très cool, enfin à chaque fois moi je suis surpris d'à quel point ils ont vraiment tout compris. Répondu à l'exercice à 100%, ouais. À tel point que ça a vraiment été un tube de l'été, je trouve ça trop bien. C'est vrai que c'est beau à voir. Je n'ai plus de voix. J'ai la voix de Freddy, du coup, là. J'ai juste noté Internet. Alors, donc, c'est un compte Twitter, un compte Insta, quelque chose que vous avez apprécié. Bah moi, peut-être ça va venir plus tard m'en parler, mais Instagram, c'est l'année de la rupture pour moi. Ah, tu as arrêté? Bah, en fait, j'ai identifié ce qui pouvait me faire du mal, ouais. Psychologiquement, enfin, qu'est-ce qui pouvait m'énerver, identifier ouais. les choses. Sachant que t'es quelqu'un qui t'énerve pas facilement. Non, ouais. C'est les tétons floutés. Mais non, au-delà de ça, en fait, c'est juste cette façade, ces personnalités qui change, enfin voilà. Tu vas avoir un rire aigu bientôt, toi, attention. Non, je faisais un peu des questions. Non, mais vraiment, en fait, je me couchais, c'était ma routine, et du coup, j'étais énervé ou triste. Du coup, je dis, oui, bah, mais je vais arrêter. Tu unfollow les gens qui mais t'énervent. Mais ça venait après, en fait. Mais pas du tout. Bah si, c'était les découvertes ou je sais pas quoi. Bah oui, bah alors voilà, je ne va pas. Oui, bah. Bah c'est la sourdine, et du coup, bah ma vie est plus belle parce que maintenant il y a la sourdine sur Instagram. Mmh. On y reviendra. On y reviendra. Mais Instagram, donc j'ai pas trop de. Donc toi, ça peut être TikTok en fait. Bah, parce que j'ai l'impression qu'en 2019, c'est l'année TikTok. Bah, après, moi. Pas pour les vieux. Pas pour, ouais. Je suis un vrai, donc moi j'en parle depuis des années. Allez, je me lance des fleurs. C'est une blague. Tiens. Ouais, merci. Je suis en train de lui lancer des fleurs au plein visage. Mais non, TikTok, c'est ça ma révolution. Ma révolution bah, qui porte son nom. Ouais, directement. TikTok. Ouais. Incroyable. Enfin, les kids, le renouveau du cinéma muet, j'ai envie de dire. L'appropriation des mèmes, de tous les. Même des faits historiques, il y a vraiment des et d'humour TikTok très noir, enfin d'humour vénère. Bah il y a le dark TikTok et ouais. le TikTok un peu plus light. J'ai jamais vu autant de personnes handicapées, de personnes queer. Je sais pas si tout ce que je dis est le bon mot, mais de typologie de gens qui osent s'exprimer et même de liberté de ton sur des choses très graves comme les violences faites aux femmes, le rejet, la dépression, le suicide, et avec une liberté et tout le monde est plutôt bienveillant avec ça et accepte ça. Et vraiment, TikTok, c'est incroyable. Et je trouve que ça dépasse même Vine, où tout le monde semble être super nostalgique, alors qu'on oublie que bah, s'il n'y avait pas eu Vine, bah, il n'y aurait pas eu Logan Paul, il n'y aurait pas eu plein de grosses merdes aussi comme ouais. ça. Et, Daniel. Moi, ouais. Exactement. Non, mais je veux dire, voilà, on trouve qu'on enjolive un peu trop ce qu'était Vine. Donc, je vous encourage vraiment à aller sur TikTok. Bref, ce que je dis à Adrien depuis longtemps, mais il sent trop vieux et moi, je dis non. Non, mais oui, mais moi, j'ai... surtout, maintenant, il y a ton espèce de Fred sur Twitter qui est maintenant, voilà, je regarde que ça de TikTok. Bah, ça me touche. Très bien, voilà, c'est oui, très c'est bien. Vrai que moi, je vais et vraiment. C'est vrai que je rigole assez souvent. Ouais, il y a des trucs très marrants. Ouais. J'en ai liké un. Merci. Je crois, à récemment, mais... Merci à toi. Bah oui, en fait, t'es mon curateur de TikTok. Mais non, mais oui, je me sens pas là. Tu es mon à presque 40 menu manga. Tu sais, ouais, tu bah. Des émissions de W9. Tu es mon menu manga de TikTok. Bah, ça me fait plaisir. menu manga sûr. Manga sûr, ok. Non, mais oui, non, mais je disais, moi, je me sens pas à presque 40 piges d'aller sur TikTok. Okay. Mais là, tu t'enfermes dans une image, parce que comme je te disais, il y a des trucs van life. Donc, vu que toi, t'aimes ton van, comment il s'appelle, ton Jeannot? Non. Jeannot, bien sûr. Mais c'est Jeannot le sang. Enfin, après, t'as des petits animaux trop mignons, t'as Baby Yoda. Enfin, tu vois, il y a alors, plein de choses. Là, tu assumes convaincre. il est très, très mignon. Il est très mignon, quand même. Donc, voilà, donc, c'est pour ça, je me suis un peu distancé d'Instagram. Après, Twitter, bah, j'aime toujours un peu me faire tracher par des gens et me faire oui, voilà, out. Donc ça, je suis un peu attaché à ça. Mais j'ai pas eu trop de révélations Twitter, sinon non. Non, moi, enfin, non, j'avoue, j'ai plus si trop. J'ai eu des grosses révélations Twitter, mais ça a un peu changé mon année 2019. Bah, moi, c'est des comptes Insta. Ouais. Parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, je vais plus justement sur Twitter tellement, moi, depuis un moment. Et parce que vous faites des films avec votre fille Romane Boranger, donc c'est ça. Ça. Ouais, c'est ça. Attends, j'éteins mon club pour pour répondre. C'est beau, une ville la nuit. Ouais. Non, il y a un mec qui s'appelle Dadou, D-A-A-D-H-O-O, qui fait des doublages de films. Vous avez peut-être dû les voir passer. Il a fait là le dernier. Il y a eu 300, c'est ça? Voilà, il a fait 300, ouais. Mais il a fait avant, je crois que c'est 3. Enfin, je sais pas quel film c'est, mais je m'en fous. Non, mais c'est un mec qui est très marrant. Il est doubleur, entre autres aussi. Il est réal et tout. Et bah, c'est vraiment marrant. Et il fait toutes les voix, le mec. Ça, okay. Je savais pas. Enfin, c'est lui qui fait toutes les voix. Et c'est vraiment marrant. Il fait des trucs de plus en plus longs et en plus bosser et tout. Et c'est un compte, il vient de commencer à faire ça, et c'est vraiment marrant. Que sur Insta? Et je crois qu'il les met sur YouTube maintenant. Mais moi, je l'ai découvert sur Insta parce qu'il les mettait. Ça vient, c'est assez frais, quoi. Ok. Et donc, Dadou, D-A-A-D-H-O-O. Sinon, un mec qui s'appelle, alors je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Bjeni comme Jenny, mais avec un B devant, Montero, un dessinateur qui fait dans des petits dessins, des petites BD, un peu mignonne, un peu naïve, mais un peu avec un style un peu 70s. Ok. Très tout simple, tout mignon et tout. Et je, c'est une. Comme oh, sur une échelle de 1 à Baby Yoda, du coup c'est mignon à combien? Non, bah, pas autant mignon que okay. Baby Yoda. Il a un petit, il a une petite tasse dans les mains, ah. Que tu veux faire. Mais il est pas loin, il est pas loin de Baby Yoda. Okay. Est-ce qu'il y a des pornes Baby Yoda déjà? C'est un peu tôt. En vrai, oui. Discutez, je vous en prie. Non, mais en vrai, déjà oui. S'il y a des pornos sur mon petit poney Baby Yoda, let's go quoi. Enfin, ouais, c'est le format Fleshlight en plus. Adrien, je laisse Adrien terminer. Non mais c'est comment ça s'appelle cette loi? La loi 42 c'est... Non, non, c'est tu, quoi tu penses c'est que ça existe. Oui, ouais. Si tu te demandes 34 si a... rôle 34. Ouais, voilà, mais c'est ça. Bah, j'adore internet en fait. Je confonds avec 42 de l'école de Xavier Niel. Ouais, non, j'ai fuck your pussy baby mais j'ai pas de Baby Yoda ah, voilà. Okay. Bon, je reviens vers vous. Hein. OK. Ah non, donc tu dis vraiment. Après je pense sur Pornhub tu dois avoir mec. Il faut savoir que un des tags les plus recherchés c'est Overwatch. Voilà, je comble comme je ah peux. Ouais, et ben bon non, masturbeur. Mais dis-toi qu'après le Joker, plein de gens avaient tapé Joker dans Pornhub. Et du coup, il y avait des gens qui étaient genre. Au moment de jouir. Ah, bah, ouais. Bah, c'est des malades. C'est des malades. Tous les incels ont dû taper Joker. Dans... Bah oui. On les salue d'ailleurs. Adrien ou ce qui nous écoute aussi. Hein. Oui, oui. Oui. De quoi. Moi, j'ai fini pour ah, les fini, c'est à toi, le Flobit. Hein. Ouais. Bah, bien, moi, en fait, je n'ai pas de conseils en fait, à proprement ouais. parler, mais je partage avec vous mes petits. Mes petites. Tips. Non, pas tips, mais consommations, effectivement, ouais. Sur Instagram. Puis moi, je suis extrêmement accro aux vidéos The Dodo et oh. autres vidéos ah, d'animaux bah oui. qui ah, oui. sont sauvés par des trucs. Bah, oui. À savoir, c'était un chien et il avait trois pattes. Et on l'a trouvé sous des décombres. Et donc du coup, et dans on du lui a... goudron. Dans du goudron, à chaque fois, le début des vidéos, ouais. c'est une catastrophe. Ouais. C'est vraiment. Bah écoutez, des gens se torchaient le cul avec pendant 6 ans. Voilà, il est mi-chien, mi-merde. Et donc du coup, en fait, il les récupère, il les dresse, machin. Et après, les chiens sont débordants d'amour. Mais ça marche aussi avec les ouais. chats. Même des fois, c'est des. Genre, il y a un serpent qui est bloqué. Fait, ouais, ça fait maintenant 3 ans que le serpent vient tous les étés nous voir. Enfin, c'est vraiment trop... incroyable. Ouais, il y a un requin à baleine qui a repopé récemment. Avec l'hameçon, ouais, il ouais. est passé partout. Enfin, elle enlève des hameçons. Ah, non, c'est un autre truc. Ah, c'est un autre truc. Ouais, là, c'est une corde autour d'un requin baleine. D'accord, parce que moi, j'ai vu, il y a un requin qui a plein d'hameçons oh. dans sa bouche. Une meuf, vraiment, enfourne son bras dans le requin jusqu'à coude, à peu près. Elle lui enlève les hameçons et du coup, le requin revient la voir pour se faire, genre, effleurer le foudre. Voilà. Voilà, magnifique. Trop mignon. Et j'adore ces vidéos. Ouais. Et puis en plus, ce qui est trop bien avec Instagram, c'est que t'en likes deux et après tu n'as que ça. Donc c'est trop bien. Il y en a plein de nouvelles qui t'arrivent dans le découvrir, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Par contre, je vous déconseille. Ou découvrir, je Explorer, pas. Peut-être, ouais. ouais. Mais je vous déconseille de ne serait-ce que tomber sur une photo d'Angèle ou une vidéo. Et après, c'est fini. On ne te propose absolument que ça. Bah, sache la fin que de... je confirme. Ouais, non, mais c'est vraiment fou. C'est-à-dire, si à un moment vous avez vu une story ou un truc où il y avait Angèle, on ne fait que vous proposer des vidéos ouais. d'Angèle derrière sur les trucs. Mais je pense parce que c'est beaucoup de gens postent. Il y a tous les trucs de fans, de machin. Oui, et bah, ça, ouais. du coup, ça remonte. C'est des trucs très likés en ce moment. Puis ouais, elle joue vachement là-dessus et elle-même dans la création. D'ailleurs, elle a une chaîne TikTok. Elle a un TikTok, Angèle ? Ouais, elle a une chaîne TikTok. Très... Bah là, tout le monde s'y met. Elle a un quoi, tu dis ? Une chaîne TikTok. Ah, une c'est... chaîne. Ouais. J'avais pas compris le mot. Ah que tu ouais, disais. Ok. okay. Donc voilà, The Dodo et en règle générale, les vidéos, il y a un américain qui dit bah, on l'a recueilli, il était tout petit, je voulais pas ouais. le garder. Moi je déteste les chats à la base, mais lui ouais. il est trop mignon parce que maintenant il parle. Enfin, voilà. T'exagères. Voilà, t'exagères. Docteur du Lécal, il parlait pas, ouais, il parlait pas du tout. Ouais. Une bonne nouvelle qui a un peu égayé votre année, en tout cas quelque chose que vous avez découvert dans votre année. Pierre, du coup, on va en parler ouais, tout à l'heure, ouais. mais du coup, j'ai envie de commencer par Adrien. Bah, moi, c'est Balkany en prison. Bah, voilà. C'est ma bonne nouvelle. Non mais je en vrai. Je vais surfer sur ça parce que oui. Non mais moi, je me souviens, il y a genre 15 ans déjà, j'avais vu, hein, j'avais découvert le couple Balkany via un reportage sur eux, qui était odieux, enfin, qui montrait qu'ils étaient infects quoi. Et ça fait vraiment presque des décennies qu'on sait que c'est des pourris et on se dit bon. C'est cool qu'il soit enfin en tôle, quoi. C'est bah ça me fait plaisir. Là. C'est un petit surtout que là il vient de se faire refuser son deuxième. Je crois que c'est troisième carrément là. Non demande de remise en liberté, donc il reste en tôle pour c'est... Noël. C'est ce que je voulais dire, c'est que ce qui est encore plus agréable dans cette histoire, c'est les repop réguliers dans l'actu de oui, bon oui. Ils ont réessayé, bon ça n'a pas marché. à chaque fois qu'il y a les Kanyadichi qui sont pleines mais ils peuvent rien en faire. À chaque fois qu'il y a un titre qui dit bon ça n'a pas marché, moi c'est du un véritable sein que je tète. Voilà, mais malheureusement je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui puisqu'il parle déjà de se représenter en direct de la prison, c'est ça qui est magnifique. En haut-parleur. Un génie pur. Pierre, vas-y toi. Bah nous, alors moi c'est effectivement, t'en as un peu parlé tout à l'heure, c'est la fonction sourdine sur Instagram. Ah oui. C'est-à-dire que, en fait moi le truc c'est que sur Instagram, j'aime bien Instagram, j'aime pas trop les stories. Voilà, c'est regarder des stories, c'est pas un truc qui me... Alors il y en a des très très drôles, surtout autour de la table, mais y a plein de gens que j'aime bien suivre pour suivre leurs actus, leurs photos, de là à voir plein de trucs tous les jours, non, et surtout en fait... C'est même pas tant la faute des gens que je suis que de moi qui en fait n'arrive pas à ne pas regarder quand il y a un truc sur mon téléphone qui dit il y a quelque chose de nouveau. Mmh. Ouais. Et donc du coup je passais des 30 minutes, pas 30 minutes mais des bonnes 20 minutes à regarder des stories de gens et vraiment à les passer, je m'en fous, ah ok machin. Et ce qui est très triste je trouve, c'est s'endormir avec ça et se réveiller avec ça quoi. Ouais. Donc c'est, et c'est même pas pour critiquer les gens qui le font, mais en tout cas moi ça me rendait ouf. C'était une routine un peu malsaine ou... Ouais, et puis c'est pas très intéressant, mais les miennes non plus hein, mais c'est pas... Moi je trouve, oula, intéressant, je trouve, moi j'ai découvert, pour moi en tout cas je parle, c'est pas sain en fait. Même il y a une dissonance entre personnage privé et public, alors que j'adore des gens en privé. Ouais. Et en public, je peux plus. En fait. Oui, c'est vrai, quand tu suis des amis, ouais, parfois t'as une version qui vendent d'eux-mêmes et des fois la personne t'agace via les réseaux sociaux. Alors que tu l'adores, il y a pas de soucis, ouais, en vrai. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de préserver de ça. Puis même aussi dans ta construction de ta propre vie, où je trouve ça pas sain de. Vu que tu donnes toujours le meilleur de ta vie ou des concerts de merde, où je participe aussi à ça, bah du coup, ça, tu es toujours obligé de te questionner, de t'as un miroir, bah putain, moi je suis en train de regarder cette vie formidable ou je sais pas quoi. Ouais. Là, j'ai l'impression de parler pour moi, là je suis une peinture murale de Banksy. Banksy, je sais pas comment on dit Banksy. Ouais. Banksy. Bah tu regardes l'ordre des lettres. C'est Banksy du coup. Banksy. Je sais pas, voilà. Banksy, Balkany. Balkany. Peut-être que Balkany. Wow. Non mais voilà. Est-ce qu'on a vu des nouvelles œuvres de Banksy depuis que Balkany est en prison? Oui. Là, alors, est-ce qu'on a vu Balkany? Pour la blague, Banksy, il aurait mieux valu dire non. Mais... Non, parce que je trouvais que, mais je trouvais okay, que sa dernière installation était forte parce que c'est un banc où potentiellement des SDF peuvent. Et dessus, il fait du ski. Du coup, alors ski. T'es pas loin. Ah bon? Il y a des rennes qui tirent ce banc comme si c'était le Père Noël. Ah. J'ai pas compris. Bah si, bien sûr. Bah, tu rigoles. Le SDF Père Noël. Bah Adrien, peut-être, je sais pas. Bah le mec. Macron pour moi. La société de consommation, quoi. Donc le SDF et le Père Noël. Bah c'est la ville qui livre des humains, quoi. Là, t'interprètes un plantu, là. C'est pas Banksy, là. Alors, pour moi, Banksy égale plantu. Bah, je les mets au même niveau pour moi. Je t'aime. Et il y a Joanne Cordella, le mec. Il a un fusil, bah en fait c'est des fleurs. Bah c'est de la merde. Ah merde, j'avais dit que je serais que positif. Et si c'était Joanne Cordella, le fusil ce serait sa propre bite. Sa propre merde, coupée. Et les balles c'est des fœtus qui s'écrasent au sol. Et tu dis putain mais quel génie. J'avais dit que je serais pas, ouais, je serais que positif sur ce recap. Il est un peu malade, c'est pas grave. 2020, l'année de la bienveillance les gars. Non. Allez. ouais, voilà. Et moi, je veux pas une follow les gens, parce que l'idée, c'est pas non plus d'envoyer des messages hostiles, genre. Puis on est lâche aussi. Oui, et vraiment, parfois, j'aime bien les posts Insta, mais pas les stories. C'est vraiment. Avant, il y avait Instagram. Et l'inverse, parfois. Et parfois, l'inverse. Avant, il y avait Instagram et Snapchat. Enfin, moi, j'avais les deux, et du coup, Instagram, c'était les posts de temps en temps, et Snapchat, c'était là où il y avait tous les jours. Et c'est vrai que maintenant que tout est centralisé dans Instagram, ça me fait un peu plus chier, donc du coup j'ai muté, je pense, un bon 99% des gens que je On a vu ta liste. C'est ça. Ah, ok de ouf. Pardon. Ok de ouf. T'es déjà couillé la frépouille en fait. Allez. Ok. J'accouille le Joker. Joker la frépouille. Joker. La frépouille. 2019, c'est un peu l'année des mèmes d'astrologie. Et l'astrologie aussi, c'est vrai. Que t'adores, toi, je crois. Alors, moi, j'ai une théorie sur les mèmes d'astrologie. Donc je vais là. Attends, est-ce qu'on peut dire déjà les mèmes d'astrologie? En gros, c'est. Des mèmes sur le thème de l'astrologie. Non, mais souvent, c'est genre. Ouais, les scorpions, quand tu les invites à manger, et puis c'est un truc qui s'applique à tout le monde. Voilà, c'est à Harry Potter qui est énervé, qui fait un bélier quand tu lui dis qu'il n'y a plus de raclette. Ouais, voilà. Bon, en gros. Et en gros, ma théorie sur pourquoi les mèmes d'astrologie cartonnent autant, c'est qu'en gros, là maintenant on est entré dans une ère woke. Oui. Où en gros tout le monde s'est interdit, à plutôt juste titre, de faire des généralités sur les trucs sur lesquels on faisait des généralités jusqu'à présent, c'est-à-dire le genre, les origines culturelles, etc. Et du coup, les gens ont quand même trouvé un moyen de faire des généralités sur les gens en faisant les signes astrologiques, quoi. Donc de recycler des vieilles blagues, mais juste en apposant cancer. Voilà, c'est ça, cancer. C'est de dire... en fait, on a tellement envie de faire des généralités sur les gens et qu'on ne peut plus les faire parce que, voilà, oppressif, machin, etc. Organiquement, ça, c'est devenu les mêmes d'astrologie. C'est ma théorie. En plus de le monde est tellement horrible qu'on a envie de croire qu'il y a une force supérieure qui nous dirige, ouais. Peut-être. Mais ce qui me conforte dans ma théorie, c'est que vous voyez ce que c'est le test MBTI ou pas ? Non. C'est le test psychologique qui vous donne votre profil, genre TINTP ou alors TENJP, okay, etc. Enfin, c'est tout un. C'est un test psychologique que tu fais, ça te donne ton profil psychologique. Et j'ai découvert récemment qu'il y a des mèmes là-dessus aussi, quoi. D'accord, ok. Genre, quand t'invites un INJP à dîner, machin, etc. Et du coup, c'est encore un truc sur lequel on fait des généralités sur les gens, mais sur un truc qui, a priori, ne sera jamais perçu comme offensant, quoi. Oppressif ou comme ça. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que l'astrologie, là, toute cette phase Mercure rétrograde, là, j'ai rien compris. Donc s'il y a des gens qui peuvent m'expliquer. Putain, il y a un autre truc, j'ai oublié. Mercure, c'est vrai. C'est vrai, parce que moi c'est vraiment, j'y crois vraiment pas du tout à l'astrologie. Enfin, et je comprends, enfin même je ne sens pas les trucs, et donc avant d'en faire des blagues et de me moquer, je serais ravi s'il y a des auditeurs qui y croient, ce qui vous fait y croire entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal à percevoir dans mes propres croyances, alors que moi par exemple, je crois au Joker. D'accord. Mais ouais, donc moi je pense que je suis d'accord avec Adrien, le fait de... Sérieux, c'est tellement la merde, peut-être de voir qu'il y a des forces, donc soit tu fais l'astrologie ou soit tu deviens complotiste, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, parce que moi je suis complotiste. Donc ah, voilà, c'est voilà, là voilà, voilà, ok, non, mais donc on y est. Okay. Parce qu'il y a des forces, quoi, qui nous contrôlent. Le gouvernement, moi je pensais au gouvernement, okay. Mais oui, oui. Les chemtrails et tout ça, quoi. Exactement. L'acquisition matérielle... Oh putain, c'est ok. L'acquisition matérielle que vous avez faite cette année... Je pense que ça, c'est Adrien qui a fait des petites... Bah, il l'a cartonné, je pense. Bah, déjà, c'est de flûte à coulisses. Bah, c'est pas 2019, hein, la flûte à coulisses. Oh. La nouvelle, c'est la nouvelle. Ouais, la nouvelle, oui, mais... Non, moi, c'est très nul, mais... ça rejoint ma décision, parce que c'est un truc qui vient après, mais... J'ai acheté un robot aspirateur, et c'est le sang. C'est trop bien. C'est génial, voilà, c'est tout, c'est super. C'est quoi, c'est les Roomba ou... Moi, j'ai acheté un Nitto qui ont la particularité d'avoir une tête carrée, donc ils vont dans les coins. Et aussi, ils ont un système de quadrillage assez précis où en fait, ils vont pas aléatoirement, ils quadrillent vraiment, ils vont partout, quoi. Et c'est quoi sa routine ? Il se déclenche quand, hein, comment ? Tu le déclenches. Bah, soit tu. En fait, nous, on le déclenche quand on veut, quoi. Via une app ? Ouais. Ok. Et c'est vraiment trop bien. Ça change la vie. Notamment, bon, j'en parlerai plus tard a priori, mais pour un truc en particulier que je dirai plus tard. Moi de mon côté, un peu, bon, je suis très prêt en fait presque cette année, à part on va dire pour le boulot, juste les Stream Deck qui est un outil de streaming, le streaming qui est le fait de diffuser ces parties de jeux vidéo en ligne. Ce qui est pas très on est prêt en vrai. Hein. Ce qui est pas très on est prêt. Non mais je veux dire dans le sens où à part pour le truc taf, de mon perso, je vois pas trop. T'as rien acheté de particulier, ouais. Bah vraiment, hein. Mais là, Oh, quel bolos. D'ailleurs, qui est un mème, les AirPods. Je me suis acheté des AirPods. C'est un mème, ça. Ouais. Il y avait Drake avec des AirPods, et après, t'as les AirPods tout court et tout ça. Et il est vraiment Flaubert. J'ai adoré la phrase d'Adrien, genre, c'est un mème, ça. Non, mais les AirPods, c'est trop bien. Je me suis fait offert ça pour mon anniversaire. Ouais. Et je ne regrette absolument rien. Même si ma meuf veut me tuer. Ouais, pourquoi clairement. Bah ça l'énerve parce que j'ai... Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il l'a trompé. Non, mais ça va peut-être faire une parfaite transition pour ce que j'ai envie de dire. Parce que en fait, il s'avère que je mets mes AirPods et je suis ce genre de mec qui, des fois, je vais dans la rue et je mets mes écouteurs et j'écoute aucune musique, tu vois. Ouais. Et du coup, des fois, je mets mes AirPods, j'écoute rien, mais je garde mes AirPods. Donc je sais pas si c'est un réflexe ou même j'oublie. Ouais. Voilà. Non, bon, parce que c'est genre comme ça, dès que t'as envie d'écouter un truc, paf. Et surtout que t'entends avec les AirPods. Ouais, oui, t'entends, mais du coup, je garde en fait. Et des fois, j'oublie clairement que j'ai mes AirPods. Ça me rappelle les fouteux, qui, quand ils sortaient avec les meufs, wow, et qui gardaient un écouteur alors qu'ils, moi, étaient au centre, alors qu'ils étaient au centre commercial avec leurs meufs. Je me disais toujours pas très respectueux. Mais non, mais là, je parle tout seul chez moi, attends. Arrête. Waouh. Non, mais c'est cette transition, Adrien. Pas du tout une bonne transition. Non, mais parce que il y a ce lieu commun. Enfin, tu sais, c'est comme on se moque des iguales, on se moque de. Enfin, tu sais, c'est une espèce de moquerie qu'il est de bon ton d'adopter et tout machin. Et il y a ce truc des gens qui disent, genre par exemple, la dernière fois j'ai fait une story, j'avais mes AirPods sur les oreilles. Et il y a un mec qui m'a envoyé un message un peu passif-agressif, ouais, genre je voulais savoir, tu les mets dans la rue, tes AirPods, parce que je trouve que ça fait quand même un look un peu bizarre et tout. Et il y a ce truc de gens qui disent, putain, c'est trop ridicule les AirPods. Alors qu'en fait, c'est juste nouveau. Oui, oui. Parce que en vrai, je pense que si tu prends quelqu'un qui a vécu à l'écart de notre civilisation toute sa vie, tu lui montres un mec avec des AirPods et un mec avec la même chose, mais il a deux fils qui vont jusque dans sa poche, il va dire, les fils, c'est vraiment plus ridicule, il a un fil qui descend dans sa poche. Donc en fait, c'est juste à faire genre, putain, moi je me moque, je suis carrément... En fait, vous êtes juste contre ce qui est nouveau, en fait, vous êtes juste en train de... Donc, vous êtes des conservateurs. Non, mais il y a vraiment un truc de... Voilà, dès qu'il y a un truc qui est nouveau, on dit c'est ridicule. Au lieu de se dire c'est juste nouveau et j'ai pas l'habitude de voir ça, mais c'est pas foncièrement ridicule, quoi. Moi, c'est juste, je pense que. Alors, moi, déjà, j'ai des trucs. Et juste, pardon, c'est juste, je dis, là, il s'avère que c'est pour un truc pas très important qui sont les AirPods, mais on retrouve ce genre de moquerie pour plein de trucs, en fait. Mm. C'était pareil pour la cigarette électronique où on disait, c'est ridicule. Mm. Oui, c'est vrai que c'est tellement plus ridicule que un bout de papier avec du tabac dedans. Enfin, tout peut être ridicule, en fait. C'est juste, t'es habitué à l'alternative, quoi. Mais d'ailleurs, c'est moi, beau. C'est juste que je suis nouveau. Les gens me trouvent ridicule, mais non, je suis complètement nouveau, en fait, comme mec, c'est tout. Je suis juste une nouveauté. Attendez quelques années, vous verrez. Non, mais c'est comme Sardoche, c'est juste que. Ouais, après, moi, le truc, c'est que je pense que j'oublierais de charger mes AirPods tout le temps. Moi-même, j'avais un casque Bluetooth, et en fait, j'ai repris des écouteurs parce qu'en fait, à chaque fois, j'oubliais de le charger, en fait. Donc, mais là en termes de charge, 2 minutes, t'étais déjà à 30%. Ah ouais ? Et c'est trop bien. Non, mais juste ce que je dis, c'est que. Toi, t'as pas la gorge, moi j'ai le hockey, c'est une cata. C'est une cata. Pierre est myopathe. Oui, c'est oui, vraiment, oui. C'est personne... Je gère entre les deux, là. Personne fait d'effort autour de cette table, ça me rend ouf. Non, c'est juste, je dis que cet état d'esprit, je trouve que c'est un peu. C'est le degré zéro d'un état d'esprit qui peut être vachement plus problématique, même si j'aime pas ce mot-là, mais tu vois, dès qu'un truc qui n'est pas ce à quoi tu es habitué, tu le rejettes et tu dis que c'est de la merde ou que c'est ridicule. Là, tu dis... ça touche des trucs vachement plus graves, en fait. Ouais. Donc c'est pas grave quand c'est des AirPods, mais c'est quand même... Moi, ça m'agace parce que je me dis que c'est un état d'esprit qui, quand c'est poussé plus loin... Fallait pas avoir des AirPods en 40, quoi. C'est ce qu'il voulait dire, je pense. C'est ça, ouais, c'est ce que tu voulais dire. Non, parce que tu pourrais les brancher à rien, les iPhones n'existaient pas. C'est vrai, ça, ouais. Et enfin, je termine avec la meilleure décision. Ah là, on termine avec pas de série, trucs comme ça. Ah, série, putain, je suis con, excusez-moi. Alors, meilleure décision. Bah, moi, c'est. Charal. Perdre ma voix. Ouais. Non, mais adopter un chien, bien sûr. Oh là là là là là. Bien sûr. Talent du web. Francky. Oh là là. Non, vraiment, enfin c'est. Tu pourrais prendre une balle pour elle. Ouais. Oh, et ouais. Lui jeter. Oui, voilà, lui jeter pour qu'elle aille chercher. Ah, bien sûr. Non, non, mais. Non, bah c'est fou quoi. C'est-à-dire que tous les jours je dis, mais je suis encore dingue de ce chien qui me rend fou d'amour quoi. Et là, t'as fait une story avec son meilleur pote. Bah oui, elle a un meilleur pote et tout. Oh, c'est vraiment un petit individu. À part entière, quoi. Tout gaga, quoi. Avec sa personnalité et tout. Et c'est pour ça que je disais, c'est à cause, entre guillemets, d'elle qu'on a acheté un aspirateur robot parce que elle perd ses poils énormément. C'est une race qui perd ses poils. Et du coup, le robot a quand même pas mal changé la life. Nouvelle amie. Elle a pas peur du robot ? Un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'elle m'en. Un peu. Oui, déjà. Elle va sur le canapé et puis voilà, quoi. Oui, voilà. plus qu'on la laisse aller sur Gaga. Oh non. Ah, on est Gaga. Oh voilà. Papa Gaga. D'ailleurs, ça me rappelle les mèmes avec les robots de Cambridge Analytica aussi. C'était vraiment pas mal. Je suis désolé. Non, non, je suis un mème lord. Non, mais pas là. Pierre, ramène-toi au mème. Je suis désolé. Il peut pas s'en empêcher. Mais dès qu'il y a un mème lord, en fait, dès qu'il y a un mot, il arrive à assimiler un mème directement lié à ce mot. Une banane. Bah là, est-ce que vous avez vu la nouvelle Art Basel? Il y a une banane avec un scotch tape. Bah c'est un mème. Alors en fait le truc, enfin, là où c'est facile, c'est que maintenant on dit mème pour tout. C'est-à-dire que genre il y a une photo marrante, ils disent regardez ce mème. C'est une photo marrante, ça s'appelait avant. La série de l'année pour toi Adrien. Ah, série de l'année. Wow. Non, enfin la série que vous avez à kiffer quoi, que vous conseillez aux gens. Je l'ai lu. Moi tout ce que j'ai envie de dire, c'est carton plein pour HBO. Ah, je viens de voir dans mes notes un truc que j'avais oublié dans les meilleures décisions de mon année. Chier accroupi. Comment parce ça, chier accroupi? C'est la fin de cette émission. Alors, ah non, tu relèves tes jambes. Quand tu relèves tes jambes, ça aide à chier beaucoup mieux. Non, mais voilà. Ce qui est la position naturelle en soi. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors, c'est quelqu'un, un fidèle auditeur du Floodcast que j'embrasse, que je ne vais pas divulgâcher son identité. Mais effectivement, quand tu lèves tes jambes ou quand même tu as une espèce de petite, comment on appellerait ça, un repose-pied, en fait, tout simplement, ou qu'il élève tes jambes. Eh bien en fait, tu chies beaucoup plus facilement parce qu'effectivement, exactement, lorsque nous étions Cro-Magnon ou lorsque nous étions aux Vieilles Charrues au camping, ou Hellfest, pour moi. Ou Hellfest, tu t'accroupis et tu te rends compte que ton corps est fait parce que ça crée une espèce de, ça appuie sur l'estomac et je pense que c'est plus droit au niveau de l'intestin. Enfin en tout cas, tu chies beaucoup plus droit et du coup, je pense que tu chies bien mieux. Et c'est vrai. Je vous ai raconté l'anecdote où j'ai chié au Hellfest. Non, je t'en supplie. Justement, là où, pour rebondir sur le fait où tu chies droit. Donc vous savez, auditeurs du Floodcast, comment je suis à l'aise avec le caca. Bien sûr. Oui, j'ai dû aller chier à côté du Leclerc parce qu'on avait loué un camping-car, mais on n'avait pas le droit. Enfin, si tu chiais dans le camping-car, tu devais te taper la vidange. Oh là. Oh, je peux te dire que ça, c'est un peu la flemme. Donc du coup, je dis, bah à un moment, je pouvais plus parce que j'ai mangé. Troisième jour, hop, je dois aller chier. Et du coup, je monte sur la mini colline près du Leclerc là et je commence à chier. Et donc j'étais genre, oh là là, comme ça. Donc là, je me mets, j'ai, oh là là, oh là là. Non, bah voilà. J'étais, en même temps, je faisais. Bref, voilà. Et du coup, j'étais dans cette position que tu indiques. Et donc, effectivement, tu chies droit jusqu'au moment où je me sens comme sodomisé par ma propre merde. À savoir que mon caca a touché terre. Bah, et donc, quoi, mais attends. Et du coup, bah oui, c'était une. T'as chié le bras d'un enfant, c'est incroyable. Mais oui, mec, je suis constipé, je prends de la morphine. Ah oui, pardon. Oh là là. Non, mais non, pas pour rien. On le sent. On va te faire enculer avec ta maladie génétique. Mais là, c'est ça, c'est toute mon histoire. Je me fais enculer par ma propre merde. Voilà. À savoir que ma mère a touché sol et donc, du coup, je pouvais plus pousser. Non, mais ta merde est. Et du coup, en poussant. À quel degré de solidité là. C'est pour ça que je te dis. Et surtout, la merde de Pierre est un boudin de porte pour pas que l'on passe en dessous. Pour moi, c'est un bout de bois là. Et donc du coup j'essayais et je comprenais pas et à un moment je me soulève et j'ai fait un totem et donc du coup à force de pousser ça re-rentrait dans mon anus. Mais non, mais je te jure. Et il y a une religion qui a été tout ça. Mais je te jure. Il y a une religion qui a été créée à Clisson autour de cette merde. Bien sûr. Et tu vois la scène de 2001 avec les singes. C'est quoi l'artefact? Ouais, ouais, le monolithe. Le monolithe, bah, pareil. Il y a des singes autour de la merde de Pierre. On était pas mal. Mais parle de merde. Je me livre. Ah, on est au Floodcast. On parle de merde dans le cul. J'imagine un débat sur la littérature. Non, on était bien. On parle de merde dans le cul. C'est quand même dommage. Le pivot qui est genre débordé quoi. Non, c'est dommage. Monsieur Bernard-Henri Lévy là. Monsieur Onfray, quand même, c'est quand même dommage. Il a quand même chié un totem. Ouais, bah oui, mais bon, faut le dire. Non, mais c'est pour te dire que oui, tu chies droit et c'est un petit trauma. Alors, moi je parlais quand même dans les toilettes. Hein. Oui, mais quand même dans les toilettes. Mais voilà, en position un peu, oui, semi-accroupie, un peu comme Spider-Man, j'ai envie de dire. Et ça se vend comme de petits pains, les tabourets pour chier. Ah oui, c'est vrai. Il y a des modèles chats, j'ai vu ça sur M6. Et ça a cartonné à la dernière foire de Paris, je sais pas quoi. C'est des petits chats repose-pieds pour chier. Donc, la prochaine fois, si vous faites caca, je vous invite à soulever vos jambes, les rapprocher dans une espèce de mouvement de yoga, hein, de près de votre torse, voilà, et vous verrez, c'est bien plus agréable. Il est possible que vous perdiez l'équilibre et que vous tombiez à la renverse, mais je pense que c'est plus agréable. Les séries. Les séries maintenant. J'ai l'impression que c'est l'année HBO. Mec, HBO, il y a quoi? Succession? Euphoria? Watchmen. Faut que je regarde tout ça. Ouais. Incroyable. Donc là, si je devais en choisir qu'une. Après, Watchmen n'est pas terminé, donc je peux pas. Pas en choisir qu'une. Bah non, mais en vrai. Ta préf. Bah Euphoria. Bah bien sûr. Euphoria. Incroyable. Un traitement. Zendaya la Queen, évidemment. Zendaya une Queen, mais tout. Je suis amoureux du cast complet. C'est, je les suis toutes et tous sur Instagram. C'est, mais ça tu les mets en sourdine quand même. Non, non pas, même pas. Non, bah non. Ah, la vache. Non, je suis amoureux. Et non, mais c'est genre, ça traite. Bah. De ce qu'est être un Jones, comme dirait un boomer. Non, mais c'est juste. C'est un peu, oui, c'est ça, c'est sexe, drogue. Oui, même c'est sur. Un peu, skins, comme... Adrien, là, c'est skin, ouais, mais un regard aussi sur l'addiction un peu différent, et puis en niveau réel, c'est fou. Ouais. Et même au niveau des. De concept de la DP, enfin ils déconstruisent plein de choses sans mettre des gros néons genre bim, bim, attention on parle de ça, attention on est trop woke ou truc comme ça. Et la bande son de Labyrinthe est incroyable, enfin c'est la grosse branlée du siècle. Elle est pas mal, mais je trouve qu'on s'y perd un peu quand même dans la vidéo de Labyrinthe. Oh là là. Non, et puis Watchmen, mais Adrien peut-être Watchmen. Non mais c'est moi, c'est le cinéma, moi c'est pas... Ah, tout de suite. Ah, mais je pensais que t'étais série, toi. Oui, mais justement, non, mais c'était. Tu voulais me lancer sur Watchmen ? Oui. Ouais, mais c'est Sinache. Ok, c'est Sinache. Okay. J'ai plus de voix, je vais éviter de parler pendant. C'est bientôt terminé. Moi, série When They See Us. Ah oui, j'ai pas vu. Ah, ça, c'était. Voilà, l'histoire des Central Park 5. Incroyable. Donc, moi, j'avais vu le. Bon, j'en ai parlé déjà dans le podcast, mais j'avais déjà vu donc, le documentaire qui s'appelait The Central Park 5. 5 ados. Voire pré-ados qui ont été accusés de viol et de violence sur une femme dans Central Park et qui étaient innocents et qui ont été complètement manipulés par les flics pour se voir être désignés comme bouc émissaire. Donc, horrible. Et donc, ils ont fait une série sur cette histoire qui est vraiment atroce. Ouais. Mais qui est, voilà, c'est important de voir ça. Alors, c'est pas une nouvelle série, mais la saison 2 de Fleabag, je me suis permis de la mettre parce qu'elle arrive 3 ans après la saison 1. Génial. Et elle est trop bien, quoi. Enfin, vraiment, est-il encore nécessaire de dire que c'est une queen ? Mais c'est une queen, vraiment. Vu que voilà, yeux, ouais. les réseaux sociaux s'en sont chargés. En tout cas, à nos 6 yeux, c'est une queen. Et c'est une queen, bien évidemment. Ouais. À nos 6 yeux, c'est une queen. Nos 6 humbles yeux. Fini, Walter Bridge, on t'aime. Je rajoute un truc dont j'avais parlé dans le podcast, mais genre en tout début d'année. Et j'avais oublié ce truc, et en fait, j'avais trouvé ça vachement bien à l'époque. Ça s'appelle Larry Charles Dangerous World of Comedy. C'est une série de documentaires sur l'humour, la comédie à travers le monde. Et c'est vachement intéressant, notamment, il va dans des pays en guerre, il va en Irak, et il montre les gens qui genre ont des talk shows en Irak et qui font des blagues sur Daesh à l'antenne. Et c'est fou, quoi, en fait. C'est trop bien de voir à quel point l'humour, l'envie de faire rire les gens et de faire passer des idées à travers l'humour, ça porte les gens au point que les gens font des blagues sur Daesh alors que Daesh, ils sont la porte à côté, quoi. Et pas dans plein de pays en guerre, en Afrique et tout ça. c'est vachement intéressant. Et ça met vachement en perspective, vu que moi c'est mon métier de faire de l'humour, plus ou moins. Ça met vachement en perspective tout ça, quoi. Et je pense que c'est aussi très intéressant pour les gens dont c'est pas le métier, mais qui aiment consommer l'humour, quoi. Mais Larry Charles, qui est un gars très important dans le monde de la comédie, c'est un gars qui a commencé avec Seinfeld. Ouais, il réalisait les Seinfeld, les Curb Your Enthusiasm aussi. Et derrière, il a beaucoup accompagné Sacha Baron Cohen. C'est-à-dire qu'il a réalisé Borat, Bruno, et il avait fait aussi un... Alors j'étais moins fan du truc, mais un truc sur la religion. Religious, avec l'autre, Bill Maher. C'est ça, avec Bill Maher. Qui était cool, qui était moins mon délire, mais qui est quand même... Enfin voilà, donc c'est un mec qui... Bill Maher est un peu... C'est ça, moi j'aime... Ouais, un peu lui mettre des patates. Mais Larry Charles, en tout cas, qui est quelqu'un effectivement qui se pose beaucoup de questions, même sur la place de l'humour dans le monde et tout, et qui est voilà, et c'est vrai que cette série est vraiment bien, vraiment bien. Et qui est dispo où déjà? Netflix, ok, très bien. Mais il y avait Tchernobyl aussi, putain, j'ai oublié. Tchernobyl aussi cette année, putain, j'ai pas regardé. Mais moi, ça m'a fait chier sur Tchernobyl. Ouais. J'ai kiffé le dernier épisode, mais tout le reste, je trouve ça chiant. Moi, j'ai adoré. J'ai l'impression d'être un beauf. Non, dis pas ça, Adrien. Non, moi, celui que j'ai adoré, c'est Tchernobyl du Big Deal. Ah putain, ça c'était génial. où il fait « Ah, vous l'avez eu un sang ?»« Ah bah, je suis irradié !»« Ah bah, je suis irradié, je suis tout bleu !»« T'es derrière le rideau ou c'est la mère et le frère ?»« La voiture ouais, !» Et puis il y a Kalimucho, enfin qui... Non, c'est pas Kalimucho, pas du tout. C'est Ramucho. Et DJ Aspi. Tu te souviens pas de DJ Aspi? Il était incroyable. DJ Aspé, pardon. DJ Aspé. Aspi, ça fait un peu aspirateur, hein. Mais ouais, DJ Aspect qu'on embrasse, qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Le juge Lambert. Et le juge Lambert qu'on embrasse très très fort. Bah moi, Watchmen, pareil, qui est pas terminé, c'est mais c'est fou. Vrai que c'est la dernière série qui m'a vraiment fait kiffer. Et où je trouve ça beau. En fait, ce que je trouve génial, c'est que j'adore la BD, mais voilà, comme plein de gens. Et là où je trouve l'excellente idée de la team de Lindelof et des producteurs, de tous les gens qui ont bossé sur cette série, c'est que Watchmen, la BD, parlait d'une guerre froide dans le monde, et que là, il fait vraiment une guerre froide civile, en fait. Enfin, un espèce de truc où les tensions raciales sont au max, et il fait affronter tous les démons de l'Amérique. L'intérieur. Et tout. Exactement, mais c'est fait avec énormément d'intelligence, et je me demande si ça va tenir tant de saisons que ça, parce que je trouve ça, justement, ce que j'aime bien, c'est que c'est sur le fil, quoi, ouais. Tu vois, j'ai presque envie, je serais trop déçu qu'il y ait 14 saisons, quoi. J'aime de plus en plus les séries où il y a peu de saisons, quoi. Et je pense que vu le modèle, de toute façon, du streaming, du choix et de la proposition, je pense qu'on va de plus en plus vers des séries très courtes en termes de saisons, à savoir, je pense, le max que t'auras, c'est, et même des séries où j'avais adoré les premières saisons, souvent, les 2-3, je perds un peu le fil, et des fois, enfin, vaut mieux les arrêter, quoi. Mais est-ce que on peut regarder la série si on n'a pas vu les films, lu les BD? Je pense que oui. Ouais, mais... C'est même mieux si t'as pas vu le film, parce qu'en fait, vu que le film avait en gros réadapté des trucs pour que ce soit plus compréhensible, parce qu'en fait la BD c'est un gaufrier, comme disent les fans de comics, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cases et c'est vraiment un gros pavé, le bordel. Bien sûr. Le film avait pris des libertés, tu vois. Moi, le film, je le défonce pas parce que je trouve qu'il y a des trucs cool, mais il y a la grosse bite bleue. Il y a la grosse bite bleue. Bah là, qu'on embrasse, hein, mieux, ouais. Qu'on embrasse la grosse bite bleue. Oui. Et elle aussi doit bien se marrer là-haut. Bah, la bite. Voilà, voilà. La bite habile. La bite habile. Peut-être. Un montage Watchmen où on remplace comment il s'appelle déjà, Docteur Manhattan, par Bill du Big Deal. Bah, ouais, excellent. Au moins une affiche, je vous en supplie. C'est un mème. Voilà. Je rappelle que voilà je le rappelle pas, je pense que j'en ai jamais parlé, mais je voulais faire un sketch dans feu du coup Studio Bagel. Je viens d'apprendre qui pareil doit bien se marrer là avec le juge Lambert. Avec le juge Lambert, le petit Grégory et Bernard Laroche. Qu'on embrasse aussi, hein, d'ailleurs. On embrasse tout le monde, c'est positif. On n'a jamais accepté à l'époque du tour du bagel. Je voulais faire un sketch. Il en parle comme une espèce de honte qu'on t'ait empêché de faire ce sketch alors que. Non, pas du tout. Empêché de le faire. Parce que j'ai vraiment insisté. Mais ça me faisait rire d'insister parce que je savais que, évidemment, ce sketch n'aura jamais. Enfin, encore plus maintenant, mais à l'époque, c'était à l'époque où la série Louis existait. Et je voulais faire une parodie de Louis, mais à la place de Louis, c'était Bill du Big Deal. Et on voyait donc refaire le générique qui faisait. Est-ce que tu peux? C'était Bill du Big Deal. Voilà. Et on voyait Bill faire du stand-up et tout. J'avais déjà un peu dans les rues de Paris. Non, vous gâchez tout. Pardon. À l'époque, on savait pas. On savait, certains savaient. Ouais. Mais oui, et voilà, donc évidemment, ça, mais j'aurais voulu. Ça fait partie de ces quelques sketchs de Feu Studio Bagel qui, encore une fois, doit bien se marrer là-haut avec toute la team. Il y avait aussi, je me souviens, c'est Robinson et Poulpe, je crois qu'il l'avait proposé, le sketch de Stargate. Où en fait ils ouvrent une porte vers les étoiles et il y a une bite géante qui passe. Non, parce c'est pas géante, je crois, c'est juste une bite. Dans ma lecture, elle était géante, mais peut-être que je l'ai fantasmée. Ah, moi j'avais compris que c'était juste une bite qui sortait genre en mode gloriole, quoi. Oui, et c'est ça, en tout cas que les extraterrestres utilisaient le Stargate pour juste faire des glorioles et se faire sucer par d'autres. Dans d'autres univers. Moi j'aurais été curieux de voir comment faire en 4 minutes là-dessus, quoi. Non, 4 minutes sur ce truc. 4 minutes là-dessus, et ce qui est fou, c'est que la production, qui normalement n'a aucun avis artistique sur les sketchs, a quand même fait. Il est hors de question qu'on mette énormément d'argent dans construire une porte, mettre des FX et construire une bite d'alien pour un sketch de 5 minutes. c'est hors de question. Donc voilà, un des sketchs de ah, putain, de ça feu, me fait chialer quoi. Ma gueule. Ouais, ouais. Bah écoute, on fera peut-être, on lira les sketchs foutus à la poubelle, ou on les écrira peut-être, que Billy Biggins n'a pas été écrit. Peut-être, voilà, si on a beaucoup de demandes, on doit faire déjà le nom de la traconte, mais tu écris le sketch de Louis et on le fait en audio. Oui. En audio, ça va perdre beaucoup. Oh, on peut retrouver la vraie voix. Putain, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Faut qu'on trouve la vraie voix française de Bill du Big Deal et il vient quoi. Bah allez. Oh là, un bonheur. Objectif 2020. Objectif 2020, on retrouve la vraie voix de Bill du Big Deal. Quoi, les amis, quoi d'autre? On s'était noté. Les YouTube en règle générale, parce que moi j'aime pas trop dire YouTubeur, mais en tout cas soit un créateur sur YouTube ou des vidéos YouTube que vous avez consommées cette année. Vous savez quoi, je commence parce que moi c'est très court, parce que je les ai vraiment beaucoup consommées, que ce soit le soir quand je m'ennuie ou parfois au sport aussi, parce que ça dure souvent 15 minutes, donc ça fait des petites pauses entre quand je fais du vélo. C'est les interviews type les interviews fond blanc, j'appelle ça, ouais. Type JQ, Vanity Fair, tout ça, où c'est des acteurs, des musiciens qui discutent. Il y a un format que j'adore où c'est des acteurs qui juste reviennent sur toutes leurs filmos, donc il n'y a rien de très original, mais que je trouve toujours fascinant. Edward Norton qui te reparle de toute sa filmographie, William Defoe, il y a eu un face-à-face Al Pacino, De Niro, qui était super aussi. Et en France, un peu dans ce style-là, moi j'aime beaucoup le format de Combini, Vidéo Club. Vidéo Club. Non, j'ai dit Criterion, mais c'était Vidéo ouais, Club. Ouais, mais là je trouve ça c'est plus long, c'est plus large. Trop bien. Et c'est plus large parce que Criterion, tu dois aller que dans la collection Criterion, donc ouais. Ça réduit quand même beaucoup. Et là, c'est trop. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, ce qu'ils font chez Combini, c'est que. T'as autant Edward Norton que effectivement Yvan Attal, tu vois. Enfin, c'est assez large et il y a plein de styles différents et j'ai trouvé ça très très cool. À chaque fois, ça m'intéresse. Même quand le Mongol, là, il est Mongol, il est formidable. Incroyable. Et j'avoue que même quand le metteur en scène ne m'intéresse pas, bah de voir leur émission, ça m'intéresse quand même. Donc voilà, Vidéo Club de Combini, c'est un format que j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Franchement, la Pierre section Laps. Est fou. Moi, YouTube, bah, je me suis un peu moi, je suis fan de toute la team Lena Situation, Spark Dyes, Bilal. Enfin, vraiment, je trouve la façon de se réapproprier un peu les codes auxquels ils ont été nourris avec la télé-réalité. Enfin, de se réapproprier ça, d'avoir vraiment des discours bienveillants sans en faire des caisses. Enfin, super self-conscious. Je sais pas. Ouais. Je suis un connard qui parle anglais, vous le connaissez très bien. Je sais pas. Self. Enfin. Ils sont full self-conscious ou pas, d'après toi? Non, c'est juste pour moquer de toi. Parce que bah, moque-toi de moi. Non, mais est-ce que tu peux m'aider? Mokhtar, d'ailleurs, du Big Deal aussi. Il y a un truc à faire sur lui aussi. Non, mais voilà, enfin, la situation là qui fait justement là, ses vlogs, enfin, son calendrier d'avant. J'ai jamais vu. Et puis même, ils ont refait des petits formats un peu à leur Pékin Express, à leur sauce, tout ça. Enfin, vraiment, toute cette nouvelle génération, même s'ils se font un peu tracher. Moi, ils m'éclatent et puis. C'est des jeunes, les gens qui les trash pour moi, eh ben c'est des boomers. C'est des boomers, je leur dis ok, boomer. Et voilà, puis sinon, bah, toujours les mêmes beaux, quoi. C'est vrai que j'aime bien aussi Patrick. Patrick, exactement. Bah, Patrick, quand il nous sort des trucs, bah, je consomme. Consommeur. Bah oui, Patrick, il a fait son documentaire sur les exoplanètes, notamment. Complètement. En 2019. Et c'est triste, et vraiment, c'est horrible ce que je veux dire. Enfin, c'est pas horrible, mais un des trucs que j'ai le plus préféré en long format sur YouTube, c'était le documentaire de Logan Paul sur les platistes. Qui en vrai est très drôle. Je l'ai pas vu. Il est vraiment très très drôle. Adrien Miel. Eh ben, je vais pas être très original parce que je crois que c'est genre la vidéo la plus vue, mais c'est Rap versus Réalité. Ah, tellement. Ah putain, oui. Bah, qui va, bah, voilà. Bah, j'étais au sol. Ivy qui est trop drôle, quoi, tout simplement. Très très fort. c'est très marrant et voilà. C'est très marrant, voilà, c'est tout. C'est une des rares vidéos que j'ai regardé plusieurs fois, que je me suis surpris citer des passages et tout. Enfin, c'est vraiment. C'est vrai qu'à l'heure, qui fait autant rire moi que mes neveux, quoi. Et c'est vrai qu'à l'heure où tout le monde, enfin, c'est vrai que et nous les premiers, hein, on citait tout le temps nos références, les nuls, les inconnus, les machins. Un des gars qui croque le mieux, j'ai envie de te dire, l'actualité et l'environnement culturel actuel, c'est vraiment Ivic, quoi. Enfin, Rap versus Réalité, c'est fou parce que c'est drôle quand t'as pas les refs, c'est encore plus drôle quand t'as les refs, c'est sa parodie, mais en n'étant pas spécialement méchant. C'est-à-dire que tous les artistes qui se sont fait parodier en ont blagué sur leurs réseaux sociaux. Enfin, j'ai trouvé. Et parce que c'est absurde en fait. Enfin, ouais, c'est vraiment bien quoi. Ça se moque pas vraiment quoi. Puis comment il l'incarne en fait. C'est ça. Du coup, il dévie un peu le trajet malveillant sur sa personne en fait. Exactement. Plutôt que contre l'acteur. Et c'est incroyable. C'est là où l'essence même de la parodie réussit, je trouve. Je suis d'accord. Et c'est très bien produit. Enfin, faut le dire aussi, hein, y a aussi du très bon taf en réal. Les sons sont toujours bossés. La prod musicale aussi. La prod et le texte, hein, parce que je sais qu'il l'a coécrit avec Freddy Gladieux. Mm-hmm. Et voilà, donc non, je trouve ça vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'en mets. Et ça me fait une transition pour dire je voulais saluer ce qu'ont fait les multiprises Anis, Aurélien et Freddy, mais en solo sur leur chaîne. Parce qu'ils ont tous les trois fait des trucs que j'ai trouvé cool cette année, quoi. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, Anis a coécrit aussi sur Rabat Société, excusez-moi. J'ai oublié parce que je bosse en ce moment avec Yvick et Freddy, mais Anis a aussi travaillé sur Rabat Société 2. Très bien. Et je trouve que les trois dans leur. C'était cool de voir des mecs qui faisaient partie d'un collectif et de les voir faire des trucs en solo et des trucs assez différents. Donc ça change, hein, Flaubert. Comment ? Je dis, ça te change, Flaubert. Ouais. Bah écoutez, après, voilà, moi j'ai ma petite barque. Pas gay. Bah, t'es en train de plagier Éléonore. Oh merde, putain. Bah d'ailleurs, Éléonore aussi, la saison 2. Ouais, ouais, genre humaine. Saison incroyable. 2 de genre humaine, voilà. Complètement. Bravo. Bravo à toi. La petite Lolo, comme on l'appelle. On l'appelle pas du tout. Non, jamais. Alors, j'ai oublié des trucs, les gars, ou pas ? Pierre, toi, tu voulais en placer une petite, je crois, pour une personnalité de l'année. Moi, j'aime bien les gens qui font chier les gens. Et qu'est-ce qui fait chier les gens en ce moment ? Bah, c'est beaucoup Greta Thunberg. Est-ce que tu aimes que ça les fasse chier, peut-être accroupis en haut d'une colline, un festival de métal ? Faire un totem de qu'ils merde. Qu'ils se fassent enculer par leur propre merde. Parce que c'est ça qui te plaît. En vrai, Bilal Hassani, il fait chier des gens. Ouais. Trop bien. Je l'aime, plus profond de mon cœur. Greta Thunberg fait chier des gens. Rokhaya Diallo. Vraiment, il y a des personnalités comme non, ça. D'accord. Bah oui, mais après, je parle. Non, mais moi, c'était ma. Oui, mais bah, après, coupez-moi en fait. J'ai fait ma petite liste, j'ai fait mon drive, là où Flaubert il a rien fait. Tu rigoles ? Pourquoi ça part en négatif là ? Mais est-ce qu'il a depuis une personnalité ? Depuis que t'as évoqué le fait que tu t'es fait enculer par ta propre merde, c'est on est sur une pente descente. Et non, j'ai noté qui ? en vrai, Clément Viktorovitch. Bah oui. C'est le sang de la petite veine. Et oui, non, mais des personnalités, Rokhaya Diallo aussi, effectivement, Adrien. Moi, je suis en admiration. Parce qu'il faut encaisser, hein, ce qui encaisse. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que... Mais là, on parlait... Bon, allez, c'est terminé, ma voix. Non, mais je l'avais. Ma voix, je l'avais. Non, mais le sang-froid qu'elle arrive à garder alors que elle polarise... Enfin, il y a tellement de... Elle a le gratin, c'est incroyable. C'est vrai, c'est fou. Ouais. Et de réussir quand même à... garder son sang-froid, garder un discours cohérent, sensé, tout. Lucie. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en fous de votre avis. C'est pas la peine de venir me dire « Oui, mais elle a dit... » Oui, c'est... Je m'en branle. Ouais. Je préfère le dire. Ça non, m'intéresse si tu pas. Bien, tu fais bien. C'est vrai que vous voyez pas ce que je vois, mais il y a Flaubert qui était dans une... Moi, c'est terminé. Avec le hockey. J'ai réussi à vaincre mon hockey pendant l'émission, hein, quand même. Hein, je le dis. Mais voilà. C'était un combat. C'était un combat. Toi, t'es myopathe, donc... Non mais c'est un ton. Donc waouh, on va couper ça. Ah non, mais je pense que tu as mal interprété. Pure merde. Qui m'encule. Tu te t'encules. J'ai chaud. C'était une petite souffrance ce podcast, vraiment. Parce que on a perdu Flaubert à un moment, c'était genre... Petit tour de table d'actu. Non, mais on continue les podcasts, on continue la vie, on continue l'amour. Ah, moi, 2020, j'ai deux séries qui sortent. C'est vrai ? C'est trop bien. C'est vrai, Derby Girl. Et Le Rire du Joker. Oui. Pierre, 301 vues toujours quand même. Bah oui, où je m'occupe un peu avec Adrien de... Je sais pas, t'as dit Redac Chef, je sais même pas. Cyprien, c'est pas Adrien. Oui. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe. J'étais pas au courant. Rien, mais tu vois, tu commences. En fait, tu te déprécies toujours parce que tu dis ouais, un petit peu, machin. Alors que non, tu es derrière l'émission avec Cyprien, vous travaillez ensemble. Voilà, et ça a marché. Ça marche vraiment bien. Ouais, bah, je suis content. Enfin, c'est vraiment. Je suis trop cool. C'est une chance inespérée. Ne serait-ce que pour avoir un truc fixe, enfin dans ma vie de comment on appelle ça, indépendant, en tant que photographe et tout, c'est un peu, tu peux te faire parce que des photographes à côté, voilà, tu peux te faire 3 000 euros en un mois et deux mois après tu as zéro boule, donc c'est mon premier taf fixe vraiment. Et après, bah, le streaming où je m'épanouis vraiment avec une communauté vraiment incroyable qui me supporte. Oh, il y en a plein qu'on retrouve ici, hein, et qu'on embrasse. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, donc, 2020, bah, le reboot du club. Ah, donc ça, c'est annoncé. Bah voilà. Oh là comme là. Ça, là. Je suis obligé de le faire, quoi. Bah voilà, c'est bien, mais c'est bien, c'est bien, c'est très voilà. bien. Je vous propose qu'on croque 2020. Ça vous cette va année, cette année, elle est pour nous, les gars. Elle est pour nous. Et les problèmes derrière. Ouais, derrière. Derrière. Bien derrière. Dans la remorque. Dans la remorque. Bon, en tout cas, merci à tous les amis de nous avoir écoutés. Bah, de bonnes fêtes, on doit dire et tout. Bah, de bonnes fêtes, ouais, après nous, avec Adrien, on va refaire des émissions d'ici là. Mais, mais Pierre, très bonne fête à toi. Bah, bonne fête à vous et bonne fête au Flou de Casteldo. C'est 10. Je sais plus, tu sais, il y a eu beaucoup de noms. Ouais. Et comme tu dirais Vincent Lagaffe, bip bip. Aspé. David, bonjour. Ingrid. Ingrid. Salut Ingrid. Bonsoir. T'as la patate? Ouais. Ah okay, vous vous tutoyez déjà? Ah c'est fatal, c'est direct, on part direct en live, yes ça, yes ça, yes ça, ils sont rouges. Bien, vous connaissez le principe du scratching, on va peut-être avoir une petite démo quand même. Ouais. Allez. Ah ouais, tu pars super vénère avec un pur son, de la balle atomique, yes ça. On va faire une petite démo. Hein? Est-ce que c'est... Plus chaud, tu meurs. Ah ouais, plus chaud, c'est bouillant. Hein? Yo, on danse, c'est la fête ce soir sur le pit. Attention, plus que 3 secondes. C'est l'an 2000, c'est le feu ce soir, yes! Je veux vous entendre faire un maximum de bruit ce soir, yes!